une journée de merde. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en course, aurait fait plaisir à ma mère. Mais je préfère le casser la vodka, les répètes qui se passent à l'avocat. Mais qu'est-ce que je bande dont je rappelle la prod par. Qu'est-ce que je branlais sur les bancs de la fac. Qu'est-ce que je branlais dans ma vie avant d'arriver à ce jour. J'ai tellement changé depuis, je vois plus la suite en contre-jour. Prise de conscience en pleine gueule. Maintenant je sais comment m'occuper avant le cercle. C'est pas une journée de paix. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. Arrive dans un instant notre Québécois préféré. Non, je parle pas de Vince, je parle de Lenny Kim. Ah non, Vince, il est belge. Oui, lui aussi, il arrive à 21h sur Énergie, comme chaque soir de la semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la dernière avant de se reposer un petit peu pour le week-end. Et Vince, il va vous jouer les plus gros moments de la semaine, comme chaque vendredi soir. Mais il est en direct, hein. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le joindre à 0492 222 002. C'est le numéro de WhatsApp. Moi, je vous retrouve lundi, 20h. Ciao. Énergie, c'est le 6-9 tous les matins, en direct dès 6h. 11% des Belges l'ont déjà fait au boulot. Travailler. C'est la libre antenne la plus cool des 21h avec Vince. Pour les auditeurs qui me voient pas, c'est vrai qu'il y en a peut-être beaucoup qui savent pas à quoi on ressemble. On est dégueulasse. Je m'appelle Vince, mon vrai. Et c'est aussi vos stars musicales préférées. Vos hits du moment. Énergie. Eat music only. It's never your fault. The bang bang bang. Banks and ranks on the ball. Zaho. quitter, t'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Ce n'est jamais de ta faute. Jeu, amour belliqueux, c'est quand nos cœurs se consument, actifs. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. Dans la tête aujourd'hui. Hier était recouvert de pluie. Mais aujourd'hui, le beau temps, j'attends que ça. Je me suis levée à l'aube. À mon avenir qui se dessine. Ma route est tracée par des signes. Mais je tourne en rond, je deviens fou. Il faut que je m'en aille là-haut dans l'étoile. C'est night. Il faut que je m'en aille. Dans la tête aujourd'hui, il avance dans un élan de folie. Il déploie ses ailes dans les airs, voyage d'un jour à l'autre. Ah, toutes mes nuits d'insomnie, à essayer de fuir l'ennui. Mais je tourne en rond et je deviens fou. Il faut que je m'en aille là-haut dans l'étoile. C'est night. Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission. Car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons au CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince sur NRJ. Oh my gosh, Vince est dans la maison ! On est de retour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon vendredi, que les examens sont bien déroulés, que le taf aussi, c'est reparti pour des délires, c'est reparti pour un bazar et d'ailleurs on commence l'émission et ça y est, tous les messages qui tombent. Eh mais vous ratez pas le 21h pour envoyer tous les messages comme des oufs, hein. 0492-222-002, et oui, je vais le crier haut et fort, c'est le week-end. Hold up. Oh my gosh. Oh my gosh. We don't play. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Oh le bon week-end. Et big up à ceux qui sont déjà en vacances. Ah, ça commence tout doucement mais sûrement. On va. Mon nom c'est Vince, avec plaisir que je suis là avec vous ce soir jusqu'à minuit les amis. Et puis de minuit jusqu'à 1h avec Extravadance. Et je ne suis pas tout seul, cette émission ne serait pas la même. Ce n'était pas là pour m'épauler, ce n'était pas là pour m'aider, c'est comme une mère, mais elle ne m'a pas accouché. Heureusement d'ailleurs, hein. Ça aurait été compliqué. Ça aurait fait mal. Oui. Lara qui est dans la maison, ça va Lara, tu vas bien? Tu sais, ça va toujours. T'as passé une bonne journée, ouais, tranquillou. Très bien, très efficace comme d'habitude. Mais avec l'efficacité naturelle de Lara, c'est incroyable. T'as comment? Tu t'es levé à quelle heure aujourd'hui, toi? 9h. 9h du mat, ouais. C'est cohérent, très bien. Bon, on termine à 3h, quoi, donc ça va. Oui, ouais. Et puis Nigel, comment est-ce qu'il va, Nigel? Ouais, très bien. Nigel, t'as dormi combien de temps? Toi, t'es réveillé à quelle heure, plutôt? Je me suis réveillé à 6h45. 6h45, ah ouais. Et je t'ai, je t'ai laissé à Énergie. Non, on est tous partis au même temps hier soir. Ouais, non, hier, je suis parti à 1h05. Ouais, incroyable, on a fait l'émission à 1h hier. Ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué, ça fait trop. Attendez, parce qu'on a pas enchaîné toute la semaine, jusqu'à 1h du matin. Ouais, si, toute la semaine. Si. Les gars, ça veut dire que toute la semaine, c'est comme si on avait fait une émission de plus. Ouais, donc en fait, par semaine, on fait pas 5 émissions, mais 6 émissions. Ouais, en fait, si on calcule toutes les heures qu'on fait de plus, en fait. 4 heures minimum par jour. Mais c'est ouf, ça. Ouais, c'est bien. Et puis, il y a Eddy qui est là aussi. Comment va le Eddy? Bah, ça va super bien, super bien. Ouais, tranquille. Eh, j'ai prévu un truc tout à l'heure pour Extravadance. T'as prévu quoi? Ah, bah, j'ai prévu de. Parce que Eddy, il fait du rap. Hein. Ah, oui. Ah, bah, enfin. Il va passer dans Extravadance, enfin, il fait de la trap, c'est pas pareil. Il y a rap et trap, tu vois. Ah, je sais pas, j'ai prévu une petite surprise pour ceux qui ont jamais entendu notre ami Eddy. Enfin, l'écouter jusque tard, tout à l'heure. Entendu. C'est vrai, t'as jamais écouté? Parce que j'ai programmé tard, histoire que les patrons l'entendent pas. Parce moi, que s'ils entendent. Je conseille de pas l'entendre, c'est de la merde. Ouais. C'est pas cool, c'est gratuit ça. Ouais, Nigel, je crois qu'on était frères. Il est hyper sensible, hein, Eddy. Bah ouais, putain, j'ai pleuré. Moi, j'ai rêvé d'un truc. Ouais. Chaque frère en chaque soin. Et puis on a Thibaut. Ah bah non, on n'a pas Thibaut. Non. Non, bah non. Thibaut est pas là ce soir. Salut Vince. Mais du coup, je sais pas comment le prendre. Quoi? Non, mais les amis, si Thibaut n'est pas avec nous ce soir, c'est parce que Thibaut, comment vous expliquer? Il avait mieux à faire, genre. Voilà. Ouais. Non, il m'a posé une question. Il m'a demandé, Vince, tiens, est-ce que ça te dérange pas que, voilà, exceptionnellement. Je démissionne. Voilà. Je démissionne. Ça nous dérange beaucoup. Non. Enfin, qui démissionne, il m'a demandé est-ce qu'il pouvait aller au concert de Damso qui a lieu ce soir au Palais 12 du Ezel. Ah ouais, actuellement là. Actuellement en ce moment. Et puis il me dit, allez, venez, tu penses quoi, s'il te plaît, etc. Et moi je dis, écoute. Et pendant 3-4 jours, je lui ai fait, j'ai envoyé des smileys. Genre, tu vois les smileys différents là. Vous voyez, vous imaginez les smileys. Et après, à un moment donné, il me dit, ouais, mais tu sais, il pensait que c'était mort. Et après, il me demande, tiens, finalement, Damso, bon, je fais, bah oui, vas-y. Ah bon, sérieux? Il était tout étonné, genre. Ça, c'est les ascenseurs émotionnels de Vince. Ah oui, je suis un salaud à ce niveau-là. Percer l'abcès. arrêtez. Moi, l'ascenseur, il a duré. Hein. Je lui ai demandé, il m'a dit non, sorry, je suis toujours là. J'espère que je suis salaud, on va pouvoir l'appeler quand même pour prendre la température. Bon, c'est pas un conseil énergie, mais c'est pas grave. On peut avoir une petite pensée pour lui quand même, parce qu'il avait une place dans la fosse. Et ouais, vous avez pas vu son... Il va se faire défausser, ouais. Vous avez pas vu sa photo sur Instagram? Non. Il a dit, ben voilà ce que ça fait d'être petit. Il est genre entre deux grandes personnes et il y a de la lumière qui passe, genre on dirait deux montagnes, tu vois, avec un creux et la lumière qui passe à travers. Ah bon, d'accord. C'était le bon petit. Je sais pas ce qu'il va voir. Hein. Et lui, s'il est dans un pogo, il est mort. Ah, mais complètement. Bon, en tout cas, je suis sûr la que. La vie de nain. Hashtag la vie de nain. Allez voir sur son Insta, c'est Grain de Sel. On le salue d'ailleurs à distance. Et puis, bah, il va kiffer parce que sa phrase fétiche, c'est. C'est pas trompé. Faire succès, c'est pas trompé. Faire succès, c'est pas trompé. Faire succès, c'est ne pas se tromper. Voilà. Bon les amis, on va passer une bonne soirée ensemble. Il y a Issam qui est connecté. Bonsoir Vince et l'équipe. Vince c'est dans la maison. Big up à John, mon meilleur. Il y a Talia qui nous envoie. Talia, Frédéric, Jennifer, Thomas, Alicia et Julia sont tous dans la maison. Ah ça veut dire que c'est le week-end ça. Il y a tout le monde qui est là effectivement. Il y a Hugo qui est connecté là en voiture. Salut Vince qui m'envoie. Merci pour la photo Hugo. Salut. C'est cool. On le salue là. Hugo je le cite souvent dans cette émission. Il y a Marco qui est connecté aussi ce soir avec nous là. Ah Marco, alors est-ce que je veux voir si t'as envoyé une note vocale correcte? Bonsoir l'équipe. Ouais, bonsoir. Parfait. Salut Marco. Marco, il donne maison. Il a voulu te lancer. Salut, ça commence, je m'appelle Arthur. Ça va être trop cool, mais grave, ça va être cool ce soir. Ethan est dans la maison sur Énergie, il y a plein de nouveaux. Nigel, t'as ajouté tout le monde? Ouais, j'ai ajouté tout le monde. On a plein de nouveaux soirs encore. Ah, sérieux? Hein. Hier, on a eu. Mais combien de personnes on a ajouté hier là? Il y a eu plein de nouveaux là sur le WhatsApp. Je crois que j'ai ajouté au moins 400 personnes ou 500, je sais plus. C'est un truc de ouf. Hier soir, en une seule émission, 500 nouvelles personnes qui sont ajoutées sur WhatsApp, c'est magique. On voulait vous remercier en tout cas, et puis ce soir, c'est reparti. Hein. Ethan est dans la maison sur Énergie. Merci Ethan. À nouveau qui a jamais envoyé de message. T'as dit quoi? Ouais, Tristan est dans la maison. Sur Énergie. Coucou Adrice, à Sébastien, à Sébastien Gâteau, à Laurent. Yo la famille, parle pour toi le week-end. Moi je commence ma garde de 72h. 72h, j'espère que tu vas dormir là-dedans. Ça quand même. Ça hein. Oui. Ouais, ouais. Mais après il se repose pendant deux jours, non? Ouais, j'espère bien pour lui en tout cas, le pauvre, t'imagines. C'est pas nous qu'il faut le dire. Hein, voilà, et salutations au numéro qui termine par 0413 qui m'envoie des photos de gilets jaunes. Voilà. Il y a gilets jaunes. Nicolas qui est connecté là. Hey, c'est dégueulasse. Ah ouais. Enfin, pour ceux qui ont l'esprit mal tourné. Et en plus, il parle avec une grosse voix. Vince, mec, je suis né le 22 octobre comme toi. Eh, hey, c'est bon ça. Il y a Aurore qui est connectée là aussi. Merci Aurore pour ton message. Virginie est dans la maison. 0492-222-002. Coucou à Julien qui est là Julien aussi. Julien est dans la maison. Et aussi au travail en même temps. Eh ben, courage au boulot, mon pote. Hein. Séverine qui m'envoie. Luna est dans la maison aussi. On la salue. Yeah. Il y a John aussi là. Big up à Issam de Liège, mon meilleur ami. Bah, il s'envoie des messages interposés. C'est génial. Issam de Liège. Ouais, c'est ceux qui nous ont trollé hier. J'y ai pensé aujourd'hui parce qu'on a oublié après. Ouais, on ouais. a eu cet ascenseur émotionnel dans l'émission. De ouf, et quelqu'un nous avait croire qu'il se faisait battre à l'antenne et tout pour pendant une blague. C'était incroyable. En fait, ils nous ont trollé. Vous avez écouté ça dans cette émission puisque le vendredi on vous passe des putains de moments de ouf. Alors quand je dis putains de moments de ouf, c'est vraiment pour mettre l'accent sur ce qui s'est passé quoi. Et puis alors, dans cette émission, il y a aussi des moments sérieux. D'ailleurs, tout à l'heure, les amis, on va avoir la chance de recevoir pour la deuxième semaine d'affilée Zenrila. Ouais. Et aujourd'hui, le thème a tourné autour de quoi avec Zenrila, qui est un thérapeute spécialiste en transformation de stress et avec lequel on parle de beaucoup de choses pour essayer de récupérer le contrôle sur notre vie. Parfois, on le perd avec des peurs, avec des névroses, avec des petits soucis qui nous arrivent, des traumatismes. Yes. Mais on est là pour vous aider aussi. Ce soir, on va parler de la procrastination, c'est ça? Ça se voit que tu connais pas le mot. Non, c'est procrastiner, ça. Ouais, c'est ça. Remettre en fait, à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai un problème comme ça. Hein. Moi aussi, de ouf. Je procrastine de dingue. Sauf moi, je remets toujours mon réveil à demain au lieu de le mettre aujourd'hui. C'est con. En tout cas, je salue pas mal de personnes du côté de Verviers. J'ai croisé des auditeurs en arrivant à Verviers, un petit peu dans toute la ville. Je salue le directeur général, s'il vous plaît, directeur général de l'Athénée Verdi. Je salue également madame la directrice, très sympathique, là, de l'IPS Verviers. Très sympa. Elle est très cool. Hein. Et une prof de français que j'ai croisée à Saint-François-Xavier, donc numéro 2. Voilà, il y a eu du monde, il y a eu du passage. Ouais, cool. Je salue également livreur de sushi. Le pauvre, il va croire que j'ai oublié parce qu'à chaque fois, j'oublie son prénom et après, il me regarde genre, t'es pas vrai, t'oublies t'as mon prénom. Des sushis là? Ouais, des sushis mix mexicains et tout ça. Ah ouais. Voilà. Et donc, je salue Samuel. Merci mon pote là, super cool, il est en train de bosser actuellement. Coucou à tous les livreurs qui nous écoutent. Il y a Younes, Vin, c'est votre émission qui est magique. Ben, c'est gentil. Il y a Fauzi qui est là aussi. Eugénie est dans la maison. Il y a Mathieu. Bisous à Lara Belle-Rose. Merci beaucoup Mathieu. Vin, je salue Lara, elle est trop bien, dédicace pour l'école Saint-Michel à Tournai. Message bien passé. Enfin, mais et tellement d'amour. Phénoménal. Oh, hein. Ce vendredi. Merci Séverine. Chloé dans la maison. Mais le vendredi, c'est le jour où on reçoit le plus de messages de plein de nouveaux, en fait, le vendredi. C'est peut-être parce que c'est le début du week-end, je sais pas. Hein. Ouais, parce que aussi. Tout le monde sort et tout. Il y a Amandine, me dit, je vous écoute en cachette et j'espère que ma soeur va pas me balancer. Je vous adore. Bah, merci à toi. Et je salue même le vendredi en cachette. Je salue un prof génial. J'ai croisé un prof que j'avais croisé pour la deuxième fois de ma vie qui aime pas du tout ce que je fais. C'est pas une blague, hein. Je l'ai croisé dans une école. Il s'appelle comment? Et je crois qu'il s'appelle Christian, si je veux. On va se foutre Christian. Non, Nigel. Sérieusement, j'adore parce que c'est. Je suis resté pendant 40 minutes avec parler avec un prof qui me dit, mais je t'adore. T'es un gars, mais j'irai boire un verre avec toi quand tu veux. Alors qu'il il déteste. Mais par contre, j'aime pas ce que tu fais. Moi, je lui dis, écoute. Pas grave, hein. Je t'aime pas non plus, mais par contre à l'extérieur, j'adorerais de boire un verre avec toi. Non, mais c'est bizarre, il y a des gens avec qui dans le professionnel, ça peut pas aller, mais dans le privé, c'est un kiff, genre ouais tranquille, on est meilleur pote du monde. Hein. C'est drôle comme un main, la vie parfois, comme elle peut être magique. Bien s'amuser, travailler. C'est le prof de religion de Saint-Roch 2 là que je salue. Vince, merci d'avoir passé mon message. C'était la première fois que je t'envoyais un message parce que d'habitude, je peux pas prendre mon tel le soir. Vous êtes les meilleurs. Merci. Ben, c'est très gentil là. Il y a Damien qui me demande, Vince, on fait mon jeu. Ouais, à condition que t'arrêtes de m'envoyer des photos cheloues là. Le quiz. Livreur de pizza présent, salut à toi. Il y a Edouard qui est là aussi. Coucou Edouard, il y a du monde ce soir. Wesh Edouard. Allô Edouard. Ouais, Vince, c'est dans la maison. Sur énergie. Bon, ça va. C'était quoi ça? Non. Je coupe vos micros, c'est horrible. Oh, putain, il passe dans le mien maintenant là. Mais vous faites des enroules, je loue, c'est parce que ça m'a donné. Dit. Non, bon, stop, on se calme. Ah, ça fait du bien. Wesh Edouard, dis-moi comment ça va. Alors raconte, est-ce que t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. C'est formidable, t'es dans... Tu viens d'où toi Edouard? D'Arlon. Ah. J'ai pas de musique pour Arlon, non, on s'arrête. Arlon, enfant de l'avenir. Non, bah, s'il vous plaît. Cette émission est déjà abordée à cette heure-ci, c'est pas possible. Chante bien au moins qu'on puisse te suivre. Les gars. Pas de rythme. Je voudrais demander, mais personne n'a du rythme dans ces émissions à part Lara. Edouard, mon pote, t'es encore en examen ou bientôt les vacances là? Bah là, on a fini les examens cet après-midi. Et voilà. T'es en vacances? Ouais. Merveilleux, mais tu sais quoi, dans ce genre de moment, tu vois, on sent tellement bien. Est-ce que tu te sens libre, Edouard? Ben non, parce que jeudi et vendredi, on a cours. Mais comment c'est possible? Il est en primaire. Ah mais non. Mais explique-nous comment. Mais non, c'est juste que notre directrice est un peu handicapée, elle met des jours. Non, mais attends. Attends, t'es dans quelle école, Edouard? Non, je vais pas vous le dire. Ah, il est intelligent, c'est l'équivalent. Non mais Edouard, c'est pas cool de traiter ta directrice ou ta prof d'handicapé. C'est pas grave. Elle parle mieux de ta mère. T'imagines. Imagine sa mère, la directrice. Non mais ça arrive, hein, j'ai rencontré plein d'étudiants et tout, plein de directrices. Ah, mes enfants sont dans l'école. Bah, attends, mais vous vous rappelez pas quand vous alliez à l'école après les examens et qu'on jouait à des jeux et tout et c'était la foire? Bah ça dépend, t'es en primaire ou en secondaire, Edouard? Bah, c'était trop bien. Secondaire. En quelle année? Première. Bah voilà. Ouais, première. Mais ouais, c'est vrai secondaire, qu'on... c'est trop drôle, il y a rien, tu t'amuses, t'es lancé. C'est vrai que je me rappelle ma première secondaire, je devais encore prester, jusqu'au 30 juin, ouais. Après jours, ça changeait vers la deuxième, troisième et tout. Mais c'est vrai que je devais encore rester un ou deux jours en plus à l'école après les examens. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui se forment. Hein. Ah bon, je pense. Puis ouais, c'est dommage. Bah, en tout cas, voilà, petite dédicace à tous ceux qui ont fini leurs examens. Il est en couple. Ah, mais bravo. Formidable, il a quel âge ton pote? Bah, il a le même âge que moi. Ah, bah, et t'as quel âge? Moi, j'ai 12 ans. Oh. Il est avec une certaine Eva Krischer. Eh ben voilà, ça balance. Hein. Ça balance les noms de famille et tout ici. Directement, hop là. Eva Fischer. Il y a tout le monde qui va te checker sur Google maintenant. Hein. Et Vince, y a pas ta fille. Non, aujourd'hui, elle était fatiguée, elle est restée dormir à la maison. Là. Je vais pas l'amener tous les vendredis non plus. Laissez les enfants d'autrui tranquilles. Bon, d'autrui. Alors, en tout cas, Edouard, je te salue, mon pote. Quand tu veux, tu reviens chez nous. Et puis. Une dédicace? Bah, ouais, tu peux faire une dédicace si tu veux, pas de problème. Dédicace à notre école Linda Arlon, dédicace à tous les premières. Et voilà. Eh ben, j'ai balancé l'école. Voilà. Ouais, moi du coup, je vais appeler la directrice. Elle fait barre du Tchoussim sur Insta. Super con. Ouais, ok. Et Martinus aussi. Ouais, excellent. Alors, attends, c'est lié à quoi t'as dit à Arlon? Non, c'est donc Loïc. Non, je parle pas de ton Insta, bande de gratteurs. C'est quoi l'école? C'est quoi l'école? Linda. Eh ben super, je vais appeler ta directrice. Excellent, Edouard. Linda Arlon, INDA, c'était une Notre-Dame d'Arlon, les amis. Voilà. Allez, chérie. Eh, hey, les gars, on vous salue. Et si jamais vous voulez passer sur mon Insta, c'est facile. Je suis filmer la radio, faire une story avec mon nom. Bien et comme fait. Ça, moi, je la remets en story chez moi. Et ah, alors... t'es gentil, toi. Ouais, échange mais... de bons procédés. Mais bien sûr. Donc, mais franchement, si jamais vous voulez simplement figurer dans ma story Insta, bah, vous filmez la radio pendant qu'on fait des conneries, on dit des trucs. Vous filmez vous. Hein. Vous filmez vous et tout. Puis après, moi, je remets ça dans ma story. Oui, alors, c'est juste, une manière de diffuser, il faut quoi. Juste taguer dans la story, évidemment. C'est ça, tu dois me mentionner pour que moi, je puisse la remettre dans ma story aussi. Ça va, les gars? Donc, ok. Gros dédié à Linda. Bisous. Bisous à Linda aussi. Ciao, ciao. Ouais, dis-moi. Une dernière dédicace. Vite, j'ai un son qui arrive là, vas-y. Grosse dédicace à tous ceux qui m'ont pas cru. Parce que t'allais passer sur énergie, t'ont pas cru. Ouais. Eh ben voilà. Un dédicace à personne, fallait être là. Mais pas Nathan. Un Nathan. Tu crois pas ton pote? Eh ben voilà. Edouard, à bientôt, mon pote, à bientôt. Hein. Ciao, ciao. Salut. Allez, les amis, tout de suite sur énergie. Lady Gaga avec Bradley Cooper. Oh yeah. Ah ouais, vraiment, ça va vraiment avec l'ambiance de comment on était. Mais il est bien, ce son-là, tu vois, un petit côté country, un peu sur énergie, avec Shallow. Exactement. Bon, les gars, on a pas mal de meilleurs moments à vous proposer ce soir. Préparez-vous parce que l'émission va être explosive. Vince Dalla. Maison. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Sometimes I fear myself. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. On marre dans la maison. Et comme elle dit Lara, sur Énergie. Leslie est dans la maison. Johan est dans la maison. 04 92 222 002. 0492 222 002. Alright, bienvenue tout le monde, j'espère que ça se passe bien. Vince c'est là. C'est cela même, c'est cela. J'espère que vous avez bien 21h19 là. Merci à Patty Cheyenne qui est connectée. Alors Vince, t'as bien flippé hier soir quand soi-disant j'ai été battu par mon mari. En tout cas, ouais, vous m'avez piégé, mais de ouf. Enfin, vous êtes fiers, hein. Ouais, parce qu'on s'est fait piéger par un trio de trois auditeurs, là. Ils se sont mis ensemble pour nous avoir, pour une friend zone. Genre, ouais, je vais appeler une meuf que j'aime bien, je vais lui avouer mes sentiments. Pendant qu'il appelle la meuf, et derrière, il y a quelqu'un qui pète un câble, et vous savez quoi? On va repasser ce moment, voilà, dans les prochaines minutes sur Énergie, histoire de découvrir de quoi il en retourne. Un moment très spécial qui nous a vachement fait flipper, sachez-le. Ouais. Ça va être dans quelques minutes. Là, tout à l'heure, toujours en direct, on aura également Zendrila qui va être avec nous pour parler de procrastination. Ouais, j'ai aussi du mal à le dire. La procrastination, c'est quoi? C'est cette tendance qu'on a souvent à remettre au lendemain, au prochain jour, parce qu'on est capable de faire sur le jour même. Et après, on postpose, on met plein de trucs au lendemain, comme par exemple étudier, quand t'as examen et tout, tu dis ouais, bon, tout à l'heure. Et finalement, on s'y met pas parce qu'on a un côté flemmard, parce que parfois on est juste pas motivé, il nous manque la motivation. Et même avec lui va nous donner des techniques justement pour ne pas être dans la procrastination au quotidien. Okay. Et c'est intéressant parce que c'est à tout âge la procrastination. Même moi, je le vis encore. Tu sais, des moments, je suis comme ça, je dois réaliser des documents et je suis là, j'ai pas envie, je remets à demain. Après, tout d'un coup, j'ai trop de taf et je le fais dans l'urgence. Et parfois, bah, je le fais bien dans l'urgence, mais souvent, j'oublie des trucs, je me précipite. Manque de temps, ouais. Voilà, donc on va parler de ça tout à l'heure ensemble. Là, ça pourra peut-être vous aider. Vince, tellement je kiffe le mot de passe de mon téléphone, est devenu 0492 222 002. Ah, c'est génial! C'est énorme. J'ai reçu des photos du genre de. Attends, ça, c'est énorme. Sérieux? Il y a quelqu'un qui m'a montré une photo. Alors, on n'incite pas les étudiants à le faire ça, quand même, de préférence. Mais on a vu des gens qui ont écrit le numéro de WhatsApp dans les toilettes de leur école. Oh et, ah ouais. Et je comprenais pas parce qu'il y a des gens qui me disaient, tu sais, j'ai des gens qui m'ont ajouté en me disant, ouais, c'est qui, j'ai vu ce numéro sur une toilette d'école, tu vois. Et ouais, je dis, ouais, on me feinte et tout. Et en fait, effectivement, des gens m'ont envoyé la photo en disant, ton numéro est affiché dans les endroits. Donc, bon, détériorez pas le matériel, hein, non plus, mais c'est quand même drôle, hein, ça fait plaisir. Écrivez-le un maximum, s'il vous plaît. Exactement. Et si vous voulez un bon mot de passe aussi sur le téléphone, vous pouvez mettre 8, 4, 6, 9. 8, 4, 6, 9. Ça fait Vince. Ah oui, quand tu écris. Ouais. Il est pas bête. T'inquiète. Ouais, il est pas bête. Yann est dans la maison. Yo, Yann. Synergie. J'espère que toute l'équipe va bien. Et dédicace à Toff. J'espère que t'as bien mangé. Et j'espère aussi qu'il a bien mangé. J'espère que tu t'es étouffé. Il est pas là aujourd'hui, Sébastien. Yo, Vince. Yo, Sébastien. Une blague courte. Oula. Quoi, t'en veux une autre? Non, je sais, c'est à chier, désolé. Oh mon dieu. On est tombé dans le panneau. Ouais, complètement bang. Mathias qui est en train de jouer à Red Dead là. Ah, mais toi, t'es au début. Je vois que t'es dans la cabane au début quand il fait. Il y a eu le grand froid hivernal là. Eh ben, bisous Mathias. Il y a Alvaro qui est là aussi. Yo, salut Vince. Yo, j'espère que vous allez bien. Ouais. Petite dédicace à ma femme que j'aime très fort. Là, je pars au travail. Allez, gros bisous à toute la famille. Bisous. Continuez comme ça. C'est Alvaro ici. Merci Alvaro, c'est cool. Damien. Le jeu, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Tu veux le faire si tôt le nom? En fait, ça, c'est interdit au moins de 18 ans. Non, on fait plus son jeu de merde là. Ouais, il a dit quoi? Non, il s'est excusé pour toutes ces conneries qu'il m'a envoyé en photo sur WhatsApp. Quoi, genre, rien du tout. Non, ça va, ce soir il est débanni. Voilà. T'inquiète. Ça. Dom est dans la maison. Sur Énergie. Yeah. Ah, tiens. Vince, je vais t'écouter plus longtemps et bonne nuit. Oh, c'est tellement touchant. Kevin Henry. Kevin est dans la maison. Sur Énergie. Sur Énergie, bien sûr. Yeah. Bien posé. Hey, quelqu'un a dessiné le logo Énergie. Regardez, bien pas mal. Hein. Pas mal. Ils font ça sur leur cahier et tout. C'est trop bien. Hey, merci, on va faire des concours. Meilleur logo Vince sur Énergie. Tiens, ça peut être sympa. Hugo est dans la maison. Sur Énergie. Yo, merci Hugo, c'est gentil là. Petit message de Séverine aussi là. Vince dans la maison. J'adore moi, tout ce que vous envoyez comme ça le soir, c'est magistral, c'est magique. Bon, dans les meilleurs moments, attention, on a pas mal un petit lot sympa. On a le TTFX là, Jody qui a testé Jessica, ça s'est passé avec Lara. Et ça s'est passé, ça tournait en autre boudin, comme on dit, en 1960, comme on disait. Alors, on a le prank de l'extrême, Vincent qui a piégé Mathieu, truc de ouf. La friendzone, nous on s'est fait piéger, ça va être dans les prochaines minutes. Le check pas ton messenger aussi, Brian qui piège l'INSEE, là ça va arriver. Mais d'abord, on va se faire le son de Klingand avec Broken Back, ça s'appelle Wonders. Et on a pas mal de jeux à vous proposer ce soir. On a du mot de la fin tout à l'heure, on a du tic-tac boom aussi. C'est nouveau. J'espère que vous passez une bonne soirée, les amis. Soyez les bienvenus, c'est le week-end. On va se poser, on va se marrer là dans quelques minutes. Là, ça arrive tout de suite. Bienvenue, let's go. Sorry, we are right. to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now, till the eastern colors, love is undercover. Shall we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now, looking out the window. He turned the blind eye to see how far he can go. Tell me, my love, why? So we'll forget what we know, forget how it was when we were young years ago. I be right to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now, to the east and colors, colors in the Je suis mort de rire. Alors là, je suis mort de rire. J'ai reçu une note vocale de l'auditeur qui passait il y a quelques minutes là. Non, mais j'en peux plus. Hein. Écoutez-moi ça là. C'est juste génial. C'est celui qui a insulté sa directrice là. Non, mais n'empêche, je suis quand même dans la merde si elle a écouté ça. Hein. Attends, parce que je le remets. Il a peur. Ils m'ont envoyé deux là. Ouais, genre, Vince, s'il te plaît. Dis, si ma directrice écoute, pardon, bien sûr. Et que, au moins un témoin l'a entendu. Mais dis juste, s'il te plaît, que je le pensais pas, c'est juste parce que j'avais peur que vous me trouviez chiant, comme je trouve la moitié des auditeurs. Ben, enfin, voilà. Il est extra. Une grosse dédicace à SB, tiré du bas, Sim, à E-D-O-U-A-R-D, espace C-L-I-S, S-E-L-I-S, à Loïc PG-8, et tout ça, voilà. Eh mais je vous adore, vous avez des trucs de ouf. Merci à toi pour le message. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. Pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... Pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Oh my gosh, Vince dédicace à Marie Dubar qui est sur la route du boulot là. T'es une courageuse. C'est Loubna qui a. Alors du coup, on voit le message. Ils sont nombreux derrière ce téléphone là. Vince, ta fille plus venir parce qu'elle a plus l'idée pour faire chier les patrons, comme on voyait. Non, jusqu'aujourd'hui, elle était fatiguée, qu'elle est rentrée de faire dodo à la maison. Enfin, elle est rentrée, pas rentrée toute seule, elle a pas pris le bus, tu vois. On va pas déconner non plus. Bon les amis, il y en a beaucoup qui demandent qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien aujourd'hui. On va vers ce jeu, mais tout à l'heure, il est un peu tôt, hein. Il y a encore des tout jeunes qui nous écoutent, donc voilà, on va quand même respecter le truc, même si vous ne voyez pas et que vous ne savez pas de quoi il en retourne. En tout cas, Damien, c'est un auditeur qui est arrivé par hasard sur Énergie, il nous a écouté, il nous a envoyé des photos un petit peu chelou. Et puis Lara, qu'est-ce qu'on a fait de ce gars finalement, eh ben, Damien? C'est devenu une séquence récurrente, malgré nous. Ouais. Ce type rien, travaille dans un snack, il prend des aliments, il les coince entre ses deux fesses et c'est le quiz du soir. Quoi, voilà. Genre, qu'est-ce qu'il y a ce soir entre les fesses de Damien? Il faut essayer de deviner. C'est ouais. Scabreux, mais c'est très chouette. Grave. S'il te plaît, Vince, fais-le maintenant. C'est vrai que comme vous voyez pas la photo, on peut se permettre de le faire, on peut se permettre de déconner autour de ça. Donc, eh ben tu sais quoi? Eh ben c'est bien, pourquoi pas, on le lance maintenant. C'est parti. Sérieux? Attention. Bah oui, ça va. C'est parce que je suis toujours flippé, je me dis, non mais s'il voit cette photo, mais non, il ne la voit pas, puisque de toute façon, c'est arrivé sur mon WhatsApp à moi. Par contre, si vous trouvez la bonne réponse de qu'est-ce qu'il a mis entre ses fesses, vous repartez dans ce jeu. Avec la photo. Dans cette émission, on peut être tellement sérieux à des moments, tu vois, parler de trucs tellement importants dans la vie, de la life, et puis tellement décompressé avec des conneries pareilles, c'est incroyable. Bon, la photo, il me l'a envoyée hier, il s'est mis quelque chose entre les fesses, il faut tenter de deviner ce qu'il a mis. C'est quelque chose qui se mange, c'est un aliment. Je tiens à le préciser. Un radis. C'est pas un radis. Faites vos propositions 0492-222-002. Le gagnant repart avec la photo. Et attention, si jamais j'ai un soupçon comme quoi vous avez moins de 18 ans, je demande la carte. Ah bah oui, c'est comme ça. Tu proposes quoi, toi, Eddie? Une banane. Une banane. J'allais le dire aussi. Non, c'est pas une banane. Toi, Lara. Un citron. Non, c'est pas un citron. Nigel. Ah oui, non, Nigel est de l'autre côté encore. Hein. Une mangue. Nigel est en train de bosser là, pour vous préparer des petits trucs pour l'émission de tout à l'heure là. C'est pas une mangue, c'est pas un poivron, c'est pas des pruneaux, c'est pas une courgette, c'est pas un concombre. Ce n'est pas un avocat non plus. Foie gras. Ce n'est pas du foie gras, ce n'est pas... Tiens, on m'envoie une petite, un long message, là. Enfin, pas long, mais... Bon, Damien, j'avais dit que je ne jouerais plus à ton jeu, mais comme tu t'es excusé, je vais dire un Kinder Surprise. Ah, pas mal, pas mal, mais c'est pas ça. Une poire non plus, un cornichon non plus, ce n'est pas ça. On propose... Léa est dans la maison. Alors, ce n'est pas Léa qui est dans le pet de Damien, non, non, du tout. Encore heureux. Toi, Thibaut, tu avais dit, pardon, tu proposes quoi? Waouh. Du coup, je propose une châtaigne. Une châtaigne, pom. C'est très hiver ça, c'est très automne. C'est froid. Dis à Luna qu'elle se dépêche de se laver s'il te plaît. Je vais plus avoir d'eau chaude. Bon Luna, tu te dépêches là. Y'a ta maman qui va aller prendre sa douche. Ou son bain. Ou je sais pas. Ou laver le linge. Elle veut juste s'isoler. Ouais peut-être. Laisse-la tranquille. Elle a besoin de son petit moment en solo. Du pain, du poulet. Non c'est pas ça, un macaron. Non c'est pas ça non plus. Du cheddar. Du cheddar non plus, c'est pas ça. Un allez, concombre. C'est pas un concombre. Déjà fait, il a c'est, déjà pas fait une, c'est pas une prune, non, non plus. Parmigiano. De quoi? Du parmigiano. Non, c'est pas du parmesan, non. Des pruneaux. Non, c'est pas des pruneaux. Oh my gosh. C'est pas ça du de tout. De l'eau. C'est pas de l'eau, c'est pas du chocolat, c'est pas un fruit. 0492 222 002, n'est-ce pas, Richard? 0492 222 002, voilà, j'ai pas dit la fin. Comment il a été coupé? Ouais, le pauvre, j'ai pas fait exprès, tiens. 0492 222 002. Voilà. Une aubergine, c'est pas ça. Un chou de Bruxelles, c'est pas ça. Un légume non plus, une betterave non plus, du gouda non plus. C'est quelque chose qui se mange, hein. Vince, ça a marché, elle est sortie. Oh, putain, respect, c'est sorti. Bien. Elle t'écoute dans la douche, trop drôle. Ah, mais complètement, elle a l'air d'écouter dans le bain, là. Du gingembre. Du gingembre. C'est pas ça. Une cacahuète. C'est pas ça non plus. Une noix de cajou. C'est pas une noix de cajou non plus. Une amande. C'est pas une amande. On me dit quoi, là? Oh, si. Dis, je peux essayer de mettre un truc dans mon cul, comme ça? Non, y'a que Damien qui fait ça dans les auditeurs. Ça voilà. S'entend qu'il a moins de 18 ans, lui. Non, bah arrête, s'il te plaît, tu vas rien mettre du tout, tu vas respecter ton arrière-train, s'il te plaît. Déjà, c'est pas une phrase qu'on dit normalement. Je peux me mettre un truc dans le cul, hein. Oui, non, vraiment. Ne demande pas. Évitez ça, non, mais c'est quoi l'influence de cette émission? Une pastèque, un hérisson, non, c'est pas ça non plus. On n'y est pas. Alors, autre proposition qu'on m'envoie là. Une merguez. Une merguez, non, un ferro rocher non plus. Merguez, c'était il y a quelques jours. Il l'a déjà fait, ouais. Khalid, il me dit quoi, Khalid? Une fricadelle. C'est pas une fricadelle, c'est pas une truffe, ce n'est pas la race. Bon, il n'y a pas de chaud froid. Ce n'est pas de la viande non plus. Du poisson. C'est pas du poisson non plus. Kevin. Mais attends, mais ils sont de plus en plus jeunes. Et ouais, de plus en plus nombreux. Le vendredi, ils sont souvent très jeunes, c'est fort. Hein. Pomme de terre non plus, du fromage non plus. Salut, qui équipe une équipe, une figue de barbarie non plus. Donne un indice. C'est quelque chose qui se mange dans un snack intégralement, mais totalement dans un snack. Ah bon, une tomate? Non, c'est pas une tomate. Une salade. C'est un plat. Attention, oulala. Qu'est-ce que ça peut être? Si vous avez une réponse, 0492 222 002, ça n'est pas ça, on arrive tout de suite. Vince, 21h minuit sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hits 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost. let you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Votre soirée démarre dès 21h. 21h sur Énergie avec Vince. Vince est sur Énergie. Mais bien sûr qu'on est sur Énergie. J'espère que ça se passe bien, tout le monde tranquille. Vince, c'est dans la maison. Dean Lewis avec Be Alright, c'est ce qui va arriver là. On va vous passer ce moment, la friend zone. Mais qui n'était pas une friend zone, c'est les auditeurs qui nous ont piégés, nous. Nous qui faisons ça chaque soir dans cette émission de radio sur Énergie. C'est incroyable, c'est effroyable. Et merci pour tous vos messages. Il y a plein de gens, Vince, quand est-ce que tu passes dans notre école et tout. Vous inquiétez pas, on passera partout, dans les écoles, dans les universités, dans ta boîte de nuit, dans ton boulot. Il n'y a aucun problème, laisse-nous le temps. On vient de s'installer, on a commencé le 27 août là. Et même si on est le 14 décembre, on a encore plein de choses à faire. Et on s'est fait piéger les amis. Un auditeur passe en lui disant ouais, je veux sortir de la friend zone, donc on appelle sa pote Patty. Et il se passe quelque chose qui nous a choqué, qui nous a étonné. Et alors je vous dis pas tout le bordel. À ce moment on s'est fait piéger, vous allez découvrir juste après Dean Lewis. Et on me demande, Vince, alors c'est quoi ce qui est dans le cul de Damien ce soir? Bah écoute, il n'y a personne encore trouvé jusqu'à maintenant, hein. C'est quelque chose qu'on trouve dans un snack, c'est un plat. Alors c'est pas des frites, c'est pas des nuggets, c'est pas une mitraillette. Un plat. C'est un plat. Qu'est-ce oui. Que tu veux dire par un plat? C'est une sorte de sandwich. Ah, un durum comme diraient les néophytes. C'est pas un durum, non. C'est pas une pita non plus. Ce n'est pas une brochette. Ce n'est pas un kebab. Pita. Ce n'est pas ça non plus. Bon, Lali, il faut descendre, Lali. Si tu écoutes, Lali, il faut descendre. Non, mais je suis au boulot des parents. Hein. Les parents me disent, ouais, Vince, toi, il t'écoute. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à Lali la de descendre? La petite Lali est demandée dans le salon. Oh, Lali, tu descends ou pas? Lali. Vince, le grand frère. Ouais, oulala, pire que Pascal. Là. Corentin, il nous dit quoi, Corentin? Un durum, Vince. Non, c'est pas un durum, c'est pas mexicanos. Une salade non plus. Grec avec de la feta. Non plus, c'est pas ça. Je sais pas comment il ferait tenir ça, mais bon. Ce n'est pas ça. Avec Damien, on n'est pas à l'abri de... Une surprise. D'une acrobatie. Ouais, et Ricardo, il essaie de m'envoyer des notes vocales, il n'y arrive pas, le pauvre. Vince pourrait passer ma note vocale après la musique stop. Quoi, ceci, là? Ouais, Tristan est encore dans la maison. Est encore. Et grosse dédicace à vous, toute l'équipe. Surtout Nigel, même si c'est un bâtard, je l'aime quand même. Oh. Et grosse dédicace à tout le séminaire de Floref. Right. Et à Mara Pinera, si elle se reconnaît et qu'elle m'écoute. Yes, voilà. Séminaire de Floref, c'est bon ça. Alors, on me dit Poulicroc non plus, Panini non plus, un pain turc non plus, burger. Ah oui, c'est chaud. Un cheeseburger? Non, c'est pas un cheeseburger. Je sais pas, un bacon burger? Non, c'est pas un bacon burger. Un pepper burger? C'est pas un quoi? Un pepper, je sais pas moi, un truc avec de la sauce au poivre. Non, quoi. C'est pas ça. Vince, on trouve ça que dans les snacks. On peut trouver ça dans certains fast-food. Snack, fast-food, un peu un la même CBO. Chose. Non plus, c'est pas ça. Lumpia, non plus, c'est un pas ça. Un Generous Jack. Non, c'est pas ça. Un Formidable. Non, c'est pas ça non plus. Un Biki non plus. Un Tacos non plus, m'a été envoyé. Un Triple Whopper. Non, c'est pas bien ça. Vu. Est-ce que c'est un hamburger? Ben, c'est pas exactement un hamburger. Oh, un chicken filet. Dans le cul de la mienne, il y a Nigel. Ah, ben purée, bah alors là, il est explosé alors. Hein. Un chicken filet. Non. Une grillade mixte. Non, c'est pas une grillade mixte. Un Biki. Non, c'est pas un Biki. C'est pas un hamburger. C'est pas loin de là, mais c'est pas ça. Un capsalon. Un quoi? C'est quoi ça? C'est pas ce que c'est, les capsalons? Mais c'est non. Un coiffeur. Non, c'est les nouveaux trucs à la mode, genre dans les snacks. C'est genre des frites avec du fromage dessus et de la sauce et des trucs comme ça. Mais capsalon, ça veut légumes. Pas dire. Bon, les gars, je vais vous donner un indice. C'est un burger, ok? Burger. Un gros burger. Donc ça peut être un cheeseburger, un hamburger ou un burger ou un burger. Enfin bref, quelque chose, burger. Allez, bon courage, voici Dean Lewis. Et juste après la friend zone où on s'est fait piéger, écoutez ce moment, ça va être magistral. Bienvenue sur Energy. Mais je donne maison. This is Mbarak. what's on your mind? And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go, it'll be alright. It'll be. La bonne réponse à qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien, ce sera juste après cette friendzone où on s'est fait piéger. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. Bon, formidable. John, on va l'appeler, on va pas dire que c'est la radio. Tu vas lui avouer tes sentiments en direct. Lui dis surtout pas que c'est la radio dans un premier temps. Et selon la réaction qui va se passer, si jamais elle est d'accord d'aller plus loin, eh ben on s'en mêle pas. Si par contre elle dit mais non, mais jamais de la vie, c'est pas possible, on dit que c'est une blague à la radio pour qu'on ne casse pas votre relation, ça va? D'accord. Allez, c'est parti, on appelle, bon courage mon pote. On fait maintenant ou on le fait après en fait? On le fait maintenant, t'inquiète. Vas-y, on fait maintenant alors. Je pense que ça va être rapide. Ok. Je le raccroche pas avant. Attention, attention. On y va. Quand vous le sentez, les auditeurs, là, oui, allô, bonsoir. Oui, salut, Patty, comment tu vas? C'est énorme. Allô? Oui, c'est moi. C'est une messagerie vocale, ça. John. Qu'est-ce qui se passe, John? Ah non, non, putain. Ah, voilà. Bah voilà, oui. Je voulais te téléphoner ce soir et voilà, je m'ennuyais un peu et je me disais que je t'appelais, voilà. Mm-hmm. Et je voulais te dire quelque chose, mais c'est un peu bizarre, tu vois. Et ça fait un petit temps, et je voulais te dire quelque chose en fait. Mmh. Et c'est un peu difficile. Oui. Dis-moi mon amour. Voilà, je suis amoureux de toi en fait. Attends, mais c'est un téléphone russe. Avec qui tu parles? Mais oui. Je parle à personne. C'est ma téléphone. Mais non. Oh putain, c'est parce que... C'est mon téléphone. C'est un homme qui est là. C'est qui Allô? Allô? Putain, c'est j'ai pas dit là. Mais non. C'est John. Non, c'est j'ai pas dit ça. Oh mon Dieu. Allô? Mais c'est quoi? Allô, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une vanne, hein? Non, non, c'est pas une vanne du tout, là. Allô? Attends, on s'en mêle. Allô, allô, John? John? Bah, il se passe quoi? Bah, je sais pas ce qui se passe, et en fait, c'est parti en couille chez Patty, là. Là, il s'est parti en couille de ouf. Mais il se passe quoi, wesh? Patty, elle vit avec qui? Ouais, attends, tu nous entends, là. Attends, on l'entend plus, là. Patty? Attends. Attends, parce que là, il faut qu'on fasse un truc, là. Là, il y a eu. Mais ouais, attends, là, attends, il y a un mec qui est en train de la frapper. Bah, complètement, là. Complètement, on l'entend plus, là. Mais attends, mais faut la rappeler, enfin, je sais pas. Oh my god. Allô. Attends, John. Hey, t'es qui, là? Hé, hey, t'es qui, toi? Mais non, t'en mêles pas, toi. Attends, John, il y a toi qui s'en est mêlé. Allô. Allô. Allô. Attends, je raccroche à Patty. Tu veux pas que je parle moi? Attends, j'ai raccroché à Patty. J'ai raccroché à Patty. C'est mieux que ce soit quelqu'un autour d'équipe qui parle, là, oui, parce, genre, que... Filles, bon, parce que. Bon, John, parce que attendez, il faut décompter ce qui est en train de se passer. John, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, on a raccroché avec Patty. C'est parti en sucette. ce qui s'est passé pour, parce que là c'est tout un boxon, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'infos à la fois. Patty, elle a été interrompue par un gars. Est-ce qu'elle vit avec quelqu'un, John? Non, elle vit pas avec quelqu'un. Elle est célibataire. Elle est célibataire, mais elle vit où? Elle habite où là? Elle habite avec ses parents ou avec qui, quoi, comment? Elle habite avec à deux rues, moi en fait. Oui, mais elle habite chez qui? Est-ce qu'elle est avec un frère, avec un père, avec qui? Je sais pas. Putain, je sais pas, elle m'a rien dit de ça. Non, mais fait. Peut-être qu'elle lui a pas dit. Je sais pas, il se parle et peut-être qu'elle est avec quelqu'un, mais elle lui a pas dit. Ah ouais, parce que là, c'est parti en sucette totale. Hein. Enfin, je sais pas, moi, qu'est-ce que ouais, on rappelle, on va essayer de savoir ce qui se passe. C'est pas mieux d'appeler aux antennes. Bah écoute, moi, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'envoyer la police sur place parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait battre. Je rêve, on n'est pas fou là. Attends, parce qu'on va pas faire maintenant, on va être coupé par la police. Attends, tu sais quoi, c'est trop tard, c'est fait, je vais essayer de parler là. Oh my god. Putain, par contre, il répond plus. On a peut-être son adresse, du coup. Allô? Non, non, attends, John. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, c'est moi, c'est Marie ici. Ah, très bien, ok, super, formidable. Vous avez battu votre femme, en fait. Vince, c'est une blague, c'est une femme de Liège, ouais! C'est sérieux. C'est sérieux. Ils font ça avec une femme qui se fait battre. John, t'étais dans le coup? Ouais. Eh ben, les gars, je vous applaudis. Mais ça, dites-moi un truc! T'as voulu nous piéger, hein? Tu t'as fait ton truc! Ah non, le truc, c'est que je voulais pas. Alors, les gars, si je peux me permettre, je voulais pas vous piéger. Moi, je voulais aider un mec à sortir de la friendzone. Je voulais piéger personne dans cette histoire. Mais par contre. Non, mais moi, j'ai voulu te piéger, très cher. Bonne soirée, gros bisous! Non, mais reste là! Attends! Reste là! Dommage. Du coup, maintenant, j'espère qu'elle va vraiment se faire battre. Oui. Reste là. Mais non, mais je suis super bien. Je dis, j'applaudis. Franchement, parce que là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai eu un flip total. Je me suis dit, bon, on va appeler la police parce qu'il faut intervenir. Les Liégeois, vous êtes vraiment des fous pour nous faire des trucs pareils. Mais les gars, faire une blague en mode quelqu'un s'est fait battre. Alors là, on l'a jamais fait dans cette émission. Ça fait partie des limites qu'on a jamais dépassées, tu vois. Ah ouais. Ah bah, franchement, là. Ah oui. Vince. Oui, dis-moi, John. Je t'ai trollé. Oui, tu m'as enculé, même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je me Alors là, je l'ai eu dans le derrière. Hein. Ah oui, j'ai eu dans le derrière. Ça fait mal quand même. Hein. Vous auriez pu mettre un peu de vaseline, les mecs. Hein. Sylvie, vous dites quoi? Là, tu t'es fait avoir, mon gars. Ils ont gagné la Champions League, tout comme ils s'élèvent. Ah, attends, t'inquiète pas, je vais aller en Coupe du Monde, je vais balancer leur numéro de téléphone tout de suite à l'antenne. Là, je rigole, on arrive tout de suite sur Énergie. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Lara, t'as dit quoi? C'est quoi? Attends, répète. Mais c'est une chouette musique. Quoi? Sérieux? Non, mais je voulais voir un peu la réaction en laissant ça, un générique. Est-ce que les gens, ils m'ont envoyé un message? Et j'adore, il y en a plein qui m'ont envoyé. Vince, ton micro. Mais putain. Ouais, on était là tranquille. On a fait exprès. Ça veut vraiment dire qu'on n'est pas enregistré, oui. Non, mais complètement. 21h47, voilà, et là. Vince, t'es mon idole. Non, je veux pas être votre idole. Oh là, arrête, tu kiffes. Non, c'est pas bien, c'est pas cool. Faut pas idolâtrer, les amis, c'est pas cool. Ouais. Par contre, peut-être un grand frère ou ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a dit, Zenrila, là? Qu'est-ce qu'il y a, Zen Roulette? Salut! Salut! Zenrila est dans la maison! Et voilà, il peut retourner chez lui! Voilà, ça va, Zenrila, tu vas bien? Deuxième semaine d'affilée, c'est bon ça? Ouais, heureusement que je m'en vais après. Ouais, il part en vacances, tu pars où? Enfin, en vacances, c'est un grand mot, mais tu vas où? Je vais au Pérou. Au Pérou? Et pendant deux mois et demi, pas. Ah, deux mois et demi! C'est des vraies vacances. Pendant deux mois et demi, on n'aura pas de message. Moi, surtout. Moi, je dégage, je passe ce vendredi. Surtout, je vais te dire un truc, je sais où il habite, donc. Ouais, mais la maison sera pas vide, tu sais. Ah merde, il y a des gens qui y vivent. Tu fais un truc de maison là? Tu vas au Pérou chez des gens, il y a des Pérouviens qui viennent chez toi? Non. J'ai mon beau-frère qui vient rester chez moi. Ton beau-frère? Oui. Comment s'appelle ton beau-frère? Il s'appelle Enrique. C'est Enrique? Bon, ça va, Enrique. C'est un catalan. Ah, c'est un catalan. Comment ça, on s'en fout de ça là? Mais non, c'est chouette, la gars. On sait qu'il va là-bas pour opérer des gens. Hein. Merci, opérer. Opérer au Pérou, putain. Ah, opérer des gens. Oh! C'est quand même dommage que Thibaut soit pas là pour témoigner de ce qui se passe au Pérou. Au Pérou. Bien sûr. Thibaut qui est au concert de Damso. Voilà, je lui ai donné un petit congé aujourd'hui. Avec Zenrila, ce soir, on va parler de la procrastination, un fléau qui touche pas que les jeunes, tout le monde en fait. Tout le monde. On est vachement atteint par ce moment où on se dit, ah, tu sais quoi, non, je le fais demain, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est ça, la procrastination, on peut le dire. C'est ça, ouais. Et toi, tu vas donner des clés, nous aider à justement arrêter de procrastiner parce qu'on vit tout ça. C'est dur à dire. Hein. C'est dur procrastiner. Essayez de le dire de l'autre côté de la radio, là, chez vous, dans voiture avec votre véhicule, essayez de dire procrastination, procrastination, procrastination. Je suis sûr que vous avez bugué au début. Allez, vas-y, Thibaut, vas-y, Eddy, pardon. Procrastination, procrastination, procrastination. Joli, Lara. Procrastination. Très bien, Zen Roulette. Moi, je peux l'expliquer, j'ai pas besoin de le dire. Oh là là, ça suis nous. Bon, allez, Steve Aoki avec Daddy Yankee, ça s'appelle Azukita. Et c'est tout de suite sur l'énergie. Bienvenue, on arrive dans quelques instants là. Dès 21h. Aïe, aïe, aïe, aïe. est sur Énergie. Mais bien sûr qu'on est sur Énergie, 21h53. J'espère que ça va bien tout le monde, que vous avez passé une très bonne journée. Courage à ceux qui taffent le vendredi soir. Big up à ceux qui sont, ça y est, en week-end. Et je sais qu'il y en a qui ont encore quelques examens là, la semaine prochaine. Ceux qui sont à l'UNIF, là, bon courage la team, hein, vraiment. Avec votre blocus, examen qui démarre à mon avis le 6 ou le 7 janvier là. Et puis, ceux qui ont terminé, qui sont en vacances. Oh, c'est bon, les cadeaux qui vont arriver bientôt. Peut-être à Noël, fête de neige. Peut-être, oh, ce serait tellement bien. J'ai l'impression que ça arrive jamais à Noël, fête de neige. Ça arrive quelquefois. Combien de fois? Moi, depuis que je suis tout petit, jamais. 5 fois depuis que je suis petit. 5 fois? Ah, purée, c'est pour ça que t'as 5 ans de plus que moi, tiens. 55 ans. T'as dit quoi, Moi, j'étais gamin, c'était régulièrement. Ah, c'était régulièrement qu'il y avait à Noël de neige. Ouais. C'est fini, ça, le Noël de neige. J'en ai peut-être connu 2 au maximum. Tu vas voir, tempête. Ça ferait du bien, un petit peu de neige, là. Mais honnêtement, la première fois que j'ai passé ça au Pérou, ça faisait super bizarre de faire ça à 30 degrés, quoi. Mais comment il s'appelle? Ah, oui, c'est vrai que les Noël et le Nouvel An, genre au soleil, mais c'est pas génial. Je te jure, ça c'est le top quand t'es de l'autre côté et que tout le monde se gèle et que toi t'es sur la plage en bikini. Moi, le bikini, ça me va pas bien. Je suis sûre que ça te va bien. Ça devrait bizarre. T'imagines un bikini de Borat pour Zenrila là, avec son embonpoint. Alors, on salue Lali pour ses derniers examens. Courage là. Moi, Vin, je suis déjà en vacances. Allez. Oh, la chance. Profite de tes vacances. C'est bon, ça, Arthur. Là, Vin, j'ai enfin terminé mes examens. Ça fait plaisir. Moi, il m'en reste 2, histoire et maths. Et je suis en 3e secondaire. Je peux plus. J'ai l'impression que ça se termine jamais. Bon, t'inquiète, c'est bientôt fini là. Qui dit neige drift avec la voiture. Oh, non, c'est dangereux. C'est tombé. Putain, enfin, une époque, il y a un moment, je faisais cette connerie là. Bah ouais, mais maintenant c'est le bordel parce que t'as plus les mêmes freins à main. Moi aussi, avant, dès qu'il y avait de la neige, je suis comme un malade, mais maintenant. Avec les voitures électriques, électroniques là, ouais, c'est plus le même système. Le frein à main est électronique, effectivement. Ouais, c'est ça, donc moi, ouais, ça sert à rien que je tape. En plus, j'ai une propulsion arrière, donc du coup, c'est mes roues arrière. Donc tu choisis, soit tu prends un vieux bac, soit t'as une nouvelle voiture. Voilà, ouais, c'est ça, ça peut être une idée. Bon, nous allons parler procrastination dans quelques instants, mais d'abord, les personnes qui ont envoyé la bonne réponse, on a eu quelques-uns, pas des tonnes, mais quelques-uns, les amis. Et qu'est-ce que Damien avait mis dans son derrière ce soir? Eh ben, c'était un fish burger, mesdames et messieurs. Un fish burger. Vous voulez la photo? Vous êtes prêts? Ouais. Comment il a fait tenir ça? Une très bonne question. D'ailleurs, il m'a envoyé une note vocale. Ça vient d'un animal à 4 pattes. Oh, oui, bon, à 4 pattes, à 4 nageoires, tu veux dire? Non, c'est, enfin non, 3 nageoires. 2. Ça dépend. 3, il y a l'arrière et puis. La dorsale. Ouais, peut-être qu'il y a 2, tu sais, ça se sépare en 2 pour l'arrière, je sais pas, bref, j'ai pas étudié le poisson. Je sais pas non plus. Vous êtes prêts pour la photo? Oui. Allez, bon appétit, bien sûr, voici le fiche. Damien. Damien, il t'inspire quoi, Zen Roulette, Zen Rila? Pardon, il t'inspire quoi, Damien? J'ai pas de mots, fieu. Ok, bien ce qu'il me semblait. Il fait de la radio, en fait. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est le dégoût, ce mec. Bon. C'est. Je sais pas. Quoi? Il a pas de la suite dans les idées, il a de la suite dans le cul, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va. La procrastination, on en parle avec Zen Rila. Alors, procrastination vient du latin pro, qui signifie en avant, et crastinus, du lendemain. Donc, cette tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées en fait à un domaine précis de la vie quotidienne ou non, quel que soit le truc. C'est une sorte de retardataire chronique, appelé procrastinateur. T'arrives en retard, tu procrastines, voilà. Quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre au travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a besoin d'avoir une satisfaction immédiate. Et j'ai ça. J'ai besoin lorsque, alors beaucoup moins maintenant comparé à il y a 10 ans, merci Zen Roulette. Non, mais c'est pas Zen Roulette. Je taquine quand c'est je dis ça. C'est Zen Zoulette. Zen Zoulette. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire un travail, qui aiment bien faire quelque chose lorsqu'ils savent que, à la clé, ils auront une satisfaction, mais rapide, à court terme. Ouais, mais tu sais pas toujours. Attends, possible. Genre, par exemple. Question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu procrastines, faire ton ménage? La mauvaise question, Vince. Alors que quand tu fais le ménage, une fois que t'as terminé, ta satisfaction qui est là. Hein. C'est vrai. Oui, c'est des conneries. Je procrastine vraiment. Non, mais si, blague à part, je procrastine vraiment à faire le ménage. Point que j'ai pris une femme de ménage. Donc, du coup, voilà. Oui, mais pourtant, quand tu nettoies normalement, t'as une satisfaction directe. Donc, c'est juste parce que t'as pas envie de faire quelque chose que tu considères comme un truc chiant. Voilà, c'est ça, effectivement. Mais on appelle ça pas juste la flemme, en fait. Si, c'est un peu non, juste mais ça. Juste, le mot procrastination, c'est plus de remettre à demain. C'est-à-dire, tu penses que la flemme aussi, tu remets demain. pas toujours. J'ai la flemme pour non, aujourd'hui. Tu peux être un flemmard à vie, t'as même pas de demain, c'est aujourd'hui quoi. Non mais c'est ça, mais genre la flemme de faire aujourd'hui. C'est tellement important qu'il y a une journée mondiale, hein. C'est le 25 mars, ouais, journée mondiale de la procrastination. Alors, on va en parler avec toi, Zenry, là, mais est-ce qu'il y a pas mal de gens qui te consultent par rapport à ce problème-là, toujours, mais remettre à demain. Mais je suis agréablement surpris parce que le jour où on parle de procrastination, on commence à l'heure, quoi. Ça veut dire quoi, on commence à l'heure? C'est drôle. Ça veut dire quoi? C'est parce que d'habitude, on commence vers 10h30. 10h30. C'est vrai, effectivement. Ouais, là, bon, on n'a pas vraiment d'heure quand tu viens. Ouais, tu vois. Mais Thibaut n'est pas là, du coup. Ah, c'est y a ça, plein de blagues qui se sont perdues. C'est au feeling. Bah oui, non, mais parlons-en. Du coup, la procrastination, c'est quoi déjà de base, toi, comment toi tu le considères, ça, Zenry, là? Bon, mais comme souvent, nous, on a, avec les techniques qu'on utilise, on voit ça un peu différemment. La procrastination, en fait, c'est pas un problème en soi. Je précise que t'es thérapeute professionnel en tout ce qui est transformation de stress. Hein. Voilà, voilà. Et c'est pas un problème en soi, c'est déjà une conséquence au problème. En réalité, le problème, il se trouve ailleurs. Ça veut dire qu'on va utiliser la procrastination pour relâcher du stress. Si on a trop, si on... c'est comme une pause clope. Ouais, c'est vrai, ouais. Et, ça fait du bien un peu alors, de procrastiner, je trouve. Ah non, ça va, j'ai trop et donc je vais regarder des vidéos à la con sur YouTube ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ouf, c'est vrai ça. Ouais, les ASMR. Tu dois étudier et puis tu te mets sur YouTube, tu commences à tourner, tu regardes une série Netflix. Ouais, et, des conneries, et puis ça y est, t'es parti. Et c'est de la procrastination puisque t'étudies pas, quoi. Et après, il y a la procrastination sur les gros trucs, sur les gros projets, sur les trucs que tu dois vraiment mettre en place. Ouais. Et là, souvent, le problème est ailleurs, comme disait l'autre. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas moi, j'ai un gros projet, je veux écrire un bouquin ou quoi que ce soit, et je remets au lendemain, je remets au lendemain. Déménager, changer de voiture, comme par exemple. Un projet, un gros projet quoi, un gros truc, un TFE, j'en sais rien moi, n'importe quoi. Ouais. Et le problème souvent, c'est pas la procrastination. La procrastination, c'est une technique que tu vas utiliser parce qu'en réalité, t'as peur. Il y a une partie de toi qui a peur de ce que tu crois que tu vas vivre une fois que tu auras fait tout ça. Je m'explique. Waouh ! Vas-y, explique-toi. Imaginons que je veux écrire un bouquin. Mm-hmm. Et ce bouquin, je me dis, si je l'écris, ça va être une bombe. On va m'inviter sur les télés, je vais gagner de l'argent. Il est vraiment attendu et tout. Et je procrastine. Et il est possible qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie qui... Imagine que si je le fais, eh bien, je vais être invité par ci, je vais faire ci, je vais gagner de l'argent. Okay. Et à l'intérieur de moi, il y a une partie que gagner de l'argent, c'est pas sécure. Aller à la télé, c'est pas sécure. Parce que si je vais à la télé, si je suis connu, il y a des gens plus spécialisés de moi qui vont regarder et qui vont peut-être critiquer. Ou les gens qui gagnent de l'argent, pour mon père, c'est tous des connards ou un truc du style. Et donc, il y a une partie de moi qui veut pas aller là. Et alors, qui utilise la procrastination pour ne pas arriver là. C'est intéressant, c'est désir, nos peurs en fait. Mais... Ouais, c'est ça. C'est un outil qui est utilisé par une peur, donc par un fantasme. La peur d'échouer aussi en fait. Et alors, il y a différentes parties. Il y a la peur de l'échec, la peur de la réussite. Parce que parfois, c'est on n'est magnifique. Pas confortable avec la réussite. La peur de la réussite, waouh. Il y a. Tu as vu ça? Oui. Ah ouais. Évidemment. Les gens qui ont peur de réussir. Bah oui. Tu sais, l'inconnu, c'est l'inconnu. Mais les gens qui ont peur d'être sous les projecteurs et devant les caméras et tout après, ça, ils vont tout faire pour ça. Ouais, la réussite, c'est aussi professionnellement. Enfin, oui, toi, genre, mais l'école. Tu peux avoir peur de changer de statut. Ah oui. Bah oui. Genre d'avoir des responsabilités et tout. À mort. Bien sûr. Oh ouais, respect. Merci. Mais c'est intéressant, comme le mariage. Genre quand t'as des plans à faire et tu peux te dire ouais je fais préparer le mariage. En fait il y a une partie de toi qui peut avoir peur. Et c'est vrai que je connais plein de potes, des mecs qui devaient préparer une partie du mariage et qui galéraient, c'était la procrastination même des meufs hein, parce que ouais on verra, parce qu'il y avait cette, effectivement je pense comme le dit Zenry là, c'est peut-être peur de s'engager, peut-être peur d'aller plus loin, une partie de soi est méga convaincue de le faire et peut-être qu'une autre nous dit ouais bon pff, on va voir. Je vais peut-être déconner tout ça. Il y a Sarah qui nous dit, Vince, Zenry a trop raison. Ça fait 3 ans que j'essaie de passer mon permis et je sais que j'en suis capable, mais j'arrive pas parce que je me dis sur la route il y a des tarés et finalement je pourrais pas gérer la conduite. Bah c'est intéressant. On y est, on est en plein dedans et on continue d'en parler dans quelques instants sur Énergie avec aussi un petit moment sympa que vous avez redemandé. Le check pas ton snap, Brian qui piège Vince. Bienvenue sur Énergie, Vince dans la. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500 euros cash en écoutant Énergie à 8h05. Énergie. Jusqu'à 500 euros cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78 et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Sur Énergie. Brian ? Ouais ? Tu vas envoyer une photo de toi avec le prénom de ton ex à l'INSEE. Fais gaffe, Brian, parce qu'on t'entend pas très bien en fait. Hein. Là, tu m'entends ou pas ? Ouais, je pense que ça va tenir. Je pense que ça va tenir. Attends, tu veux que je me déplace ? Ouais. Mets-toi dans un endroit où tu es sûr d'avoir toutes tes barres de réseau. Nous sommes en 2018 et oui, nous avons encore des galères de réseau dans certains endroits. Mais alors... pourtant, je suis en centre-ville. Ah bah ouais, du centre-ville de Liège ? Ouais, Grivenis dans le centre-ville de Liège. Ouais, d'accord. Ah, Grivenis dans le centre-ville de Liège. Je savais pas, je pensais que c'était en périphérie, moi. Ah oui ? Non. D'accord. Ouais. Oh, ok. Je le découvre. Okay. Brian, tu vas envoyer la photo de toi où tu te. Voilà, tu en mode un peu beau gosse avec le prénom de ton ex à l'INSEE sur son Messenger. Tu peux envoyer. Maintenant, tu lui dis quand c'est envoyé. Hein. Alors, on a entendu le petit bip. Oh. Oui. Alors ? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On appelle. C'est parti, on l'appelle. Tu lui dis, check pas ton Messenger. On y va. Bon, faut qu'elle réponde direct. Ah ouais. Si on est baisé. Oui, allô. Oui, bébé, c'est moi, ça va. Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Dis, c'est impossible, je t'ai envoyé un truc par erreur sur Messenger. C'est possible que t'aies pas jeté. Pour? Ben, parce qu'en fait, c'était un délire avec un pote et tout, et je te l'ai envoyé sans faire exprès, parce que c'était via partage acteur, tu vois. Ouais, mais tu sais très bien qu'à un moment donné, je vais le voir. Donc, il vaut mieux que je le voie. Tu peux juste, tu me fais confiance, tu peux juste supprimer la discussion et c'est bon, tu vois. Ouais, on verra. Ben, si tu me vois, tu pourrais faire ça. On verra. Non, mais Zarma, s'il te plaît, vas-y, n'y va pas. Tu vois que t'es déjà en train de sur ton téléphone, je sais pas ce que tu fais, mais Zarma, tu supprimes juste, il n'y a rien à voir. Mais pourquoi ? Bah, parce que je te dis, rien à voir, c'est juste un délire avec un pote, et voilà, c'est en même temps, c'est pour lui et tout, et j'ai pas envie que tu vois ce que c'est. Bah, je sais pas. Non, je sais pas. De quoi ? Non, c'est pas, non, tu regardes pas, c'est tout. Mais non, il n'y a pas de, on verra, c'est pas, tu regardes pas, c'est tout. Bah pourquoi ? Dis-moi, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est? Non, je te dis, c'est pour mon pote. C'est pour mon pote. Quoi? Qu'est-ce que tu vas m'envoyer? Bah, genre, de base, c'est pour mon pote. Je t'ai envoyé un truc pour, pas pour toi, tu vois, déjà. Donc, je vais pas t'expliquer. Si je te demande de supprimer, c'est je vais pas t'expliquer non plus, non? Bah, je sais pas. Je sais pas, c'est par rapport à ton pote, je peux savoir quand même. Bah, non, j'ai pas envie de te dire. Bon, ça va, tu fais juste pas des bizarres, tu supprimes et c'est tout. Je veux voir ce que c'est. Tu sais très bien comment je suis, moi je veux voir ce que c'est. Bah, pourquoi tu veux encore fouiner? Pourquoi tu vois ce que j'ai dit? Pourquoi tu veux faire ça encore? Eh ben non, je veux juste voir ce que c'est tout comme ça. Putain, l'INSEE, s'il te plaît, je rigole pas, tu supprimes, c'est tout. Déjà, tu m'appelles pas l'INSEE. Ouais, bah, tu penses ce que tu veux, mais je te demande juste que tu supprimes. Déjà, je t'appelle comme je veux, mais je te demande juste que tu supprimes, c'est tout. Bah, on verra. Bah, non, je veux voir ce que c'est tout. Ouais, vas-y, tu sais quoi, regarde, vas-y, tu sais quoi, t'es en train de me saouler là, je te demande juste de pas regarder, tu commences à faire ta misère, bon. Tu vas te calmer quand même. Bah, je te demande juste de pas regarder. Attends, on va régler un truc. Tu veux m'envoyer quelque chose, soi-disant, je peux pas avoir, mais tu me l'as envoyé, c'est trop tard. Bah, ça va, j'ai pas fait exprès, c'est tout, tu peux juste supprimer, tu regardes pas, c'est tout, tu vois, t'as plus sur ma tête, t'as plus supprimé une discussion, c'est tout. Ben non. Moi, je veux voir ce que c'est tout. Pourquoi tu veux voir ce que c'est? Ben parce que je veux savoir ce que c'est tout. Ben c'est, comme si moi je faisais la même chose. Tu irais quand même voir ce que c'est. Ben personnellement, si tu me dis non, ben j'irai quand même pas regarder quoi. Ouais. Ben non, ben moi je veux savoir ce que c'est donc. Voilà. Ben quoi, voilà quoi? Tu vas aller faire quoi? Là, tu vas aller sur Messenger, tu vas aller regarder, c'est ça? Ben je suis sur Messenger. Ouais, je vais aller sur Messenger, ouais. T'ouvres pas le message, Zamba. Bah, je verrai ce que c'est, puis après, s'il faut, je supprimerai. Putain, tu respectes même pas la vie privée de Valentin et tout. Putain, franchement, tu me descends, riche. C'est bon, Bon, quoi, tu fais quoi, là? Bah, je suis sur Facebook. T'avais parlé, merde. Mais oui, j'ai pas ouais, toi, tu fais quoi? Bah, je suis sur Facebook, je te dis. Mais ils nous attendent pas, Facebook, là. Bah, ouais, putain, je te demande, tu supprimes le message ou quoi? Bah, non. Mais va voir Va voir. Bah vas-y, mais je sais pas, regarde, fais quelque chose à un moment, putain, merde. Ouais, tu vas te calmer. Ouais. Ouais. Putain, t'es en train de casser les couilles, tu parles pas, tu dis rien du tout, je sais pas ce que t'es en train de branler, c'est bon, là, tu vas me saouler. Tu vas la radio, là, merde. Ouais, ouais. On a l'habitude, quoi. En fait, peut-être comme elle est sur le téléphone, bah, elle est pas sur le wifi. Parce que je veux pas respecter la vie privée de Valentin, mais après, je parie que ça n'a rien à voir. Vas-y, c'est quoi, c'est bon, regarde, t'es en train de Mais elle met une plombe hein, pour aller sur son Messenger, c'est un truc de ouf. Hein. Ou elle a pas de réseau. Ouais, je regarde. Ouais. Oui. Quoi, je regarde. Bah non. Elle met une plombe. Attends, elle parle à son daron, je crois. Tu crois? Ouais, il y a quelqu'un de daron. Mais oui, je. Arrête de parler avec ton père, regarde, putain, maintenant je sais pas, j'ai un truc, mais je sais pas. Il y a pas de Messenger. Bah, je vais regarder. Je vais regarder quand j'ai le temps. Il faut 45 000 ans pour garder un truc ou quoi? T'es à l'âge de pierre, ta connexion elle est sous bas ou quoi? Bah ouais, c'est quand même ma connexion déjà. Oh, c'est pas une quiz. Putain, mais je m'en bats les couilles, putain, je sais pas. Attends, je sais pas, t'as ton sexe. Eh, je vous ai dit de liège, là, c'est chelou, c'est dur. Arrête, Ah, vivre. C'est Lycée qui met 10 ans, là. C'est quoi, ça? Ah, ça y est, il est dedans. De quoi, c'est quoi, ça? Mais c'est quoi, cette photo? Attends. Ah, Zerma, j'ai dû le revenir avec le wifi. En plus, il a En plus, il écrit Mazarine. Ouais, mais non, vas-y. Comme je te dis, t'as pas à t'emballer, c'est un délire avec Valentin. Mais non, mais pourquoi il est marqué Mazarine? Parce que Mazarine, c'est quand j'étais. Non, c'est un truc il y a longtemps. T'as vu la photo? Quoi, la photo? Mais je m'en fous, non, il n'y a pas d'il y a longtemps. Pourquoi il est marqué Mazarine? Mais ça date d'il y a longtemps. Voilà, ouais, j'étais bourré avec Valentin et je renvoie les dossiers que j'avais avec lui. Ah, est-ce qu'elle va voir que c'est une photo de maintenant? Et allô? Si elle est perspicace. Ouais. C'est les chaussures que je t'ai fait. Ouais, je t'entends, moi je t'entendais mal. Vas-y, répète. Je disais, c'est un vieux truc avec Valentin, c'est tout. Hein. Mazarine, il n'y a rien du tout. C'est plus un vieux dossier, Zarma, je te jure, on a vite la tour de ma mère. Ouais, c'est ça. Quoi, ouais, c'est ça? Ben, je sais pas pourquoi. J'sais, pourquoi déjà tu l'envoies à Valentin? Bah, parce que c'est quand j'étais pourquoi avec, une fois. Je m'en fous de quand t'étais un truc, t'es pas vu la photo Mazarine dessus. Tu te fous pas de ma gueule ou quoi? Déjà, tu montes pas le ton, tu me laisses m'expliquer. Tu fais déjà. Quoi? tu te calmes? Bon? Ben non, je vais pas me calmer, comment veux-tu que je me calme? L'idée, ça me donne 10 ans. Maintenant, je vais te calmer, je vais me laisser m'expliquer. Ben vas-y, viens, on va s'expliquer. Vas-y, viens, on va s'expliquer, t'es cru que t'as besoin. Bon, attention, Abracadabra, tu deviens Mazarine. Allez, hop là. Non, mais dis-moi non. Pourquoi. Enfin, je sais pas, pourquoi. Ryan, c'est bon. Allô? C'est bon. Ouais. T'as eu la photo. Qui? Ouais, c'est bien. Ouais. C'est qui? Tu l'as dit ou pas? Bah, non, je suis pas prêt à dire. C'est qui? Allez. Ouais, ça peut, c'est qui? Arrête, ah, Brian, ça commence pas. Dis-lui, Brian, dis-lui que c'est fini. Hé, hey, t'es qui? Allez, dis-lui. Ah, oh, c'est un peu, je te parle, t'es qui? Ah, qu'est-ce que, pourquoi elle crie dans le téléphone? Non, parce qu'elle est prête à supplier, mais fais pas attention. Ah, mais y'a pas de problème. Mais j'en ai rien à foutre, passe-la moi, vas-y, passe-la moi. Allô? Non, je suis un peu très bien. Oh, tu peux. Bah, si, bah, vas-y, passe-la moi, t'es allô, qui, toi? Bah, c'est qui? Bah, moi, je sais qui t'es. Tu sais, bah, toi, t'es qui? Bah, tu sais bien qui je suis. De Mazarine? Bah, t'as reçu la photo. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que tu fais chez lui? Mais non, mais t'es sérieux en fait? Bah, celui m'a dit de venir. Ouais, bah non, mais. En fait, c'est quoi? C'est moi qui ai envoyé la photo. Et il a pété un câble et donc il t'a appelé et tout, mais en fait, parce qu'il doit te dire que en fait, c'est fini en fait. Passe-le-moi. Ouais, je te passe. Tiens, Brian. Ouais, parce que tu commences à. Allô? Ouais, mais allô? Pourquoi elle est chez toi, elle? Bah, parce que j'étais mal et tout, et voilà, j'ai voulu les. Mais je m'en fous, bah, déjà. Je sais pas, mais non, mais je m'en fous. Mais déjà, c'est une amie à mon cousin, tu vois, donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est l'amie à ton copain, à ton cousin, c'est ton ex. Non, c'est pas vrai, hein. Je suis pas une. Enfin, je suis amie à ta cousin, mais on est ensemble depuis 2 mois, dis-lui. Hein. Mais non, mais voilà, je vais pas te raconter toute ma vie non plus. Bah, 2 mois que vous êtes ensemble? Oui. Et tu comptais me le dire quand, en fait? Ben là. Non, mais toi, ta gueule. En fait, je vais te le dire aujourd'hui, c'est pour ça. Et pourquoi le dire? Putain, mais tu veux pas me. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a pas les moyens de s'acheter. Mais ta gueule. Ah, tu me parles pas comme ça. Oh, ta gueule. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas rester 3 heures au téléphone ou quoi? T'as dit qu'on passait la soirée ensemble. J'en ai rien à foutre. Eh, tu parles de. Oh, tu vas te calmer déjà. Pas un nouveau téléphone pour Noël. Ta gueule. Ta gueule. Je t'offre un nouveau téléphone, hein, parce que t'entends pas. Ta gueule. Dis, ça va pas au coup, dis. Bon, repasse-moi, Brian. Dis. Mais il est là, on t'entend, non, au parleur. Non, au parleur. Ouais, voilà. Bah, ça, c'est bien le point. Mais pourquoi elle est chez toi? Parce qu'il voulait un massage. Et ouais, c'est ta gueule, en fait. Il était tendu. Mais je te réponds, lui, il veut pas te répondre, il répond pas ses couilles. Non, mais ça va, ça va. Tu veux des réponses, mais non, mais Brian, explique-moi au moins. Ben non, mais y a pas. Ben voilà, tu sais, voilà, y a quelqu'un à côté de moi, voilà, c'est elle et tout. Tu veux que je dise quoi? Juste que ouais, ben, avec toi et moi. Ben, mais en fait, il avait besoin d'une pédicure. Sérieux? Il avait besoin d'une pédicure et donc je suis venue faire ta une pédicure. Ta gueule, toi. Ben non, je te jure, avec des gros champignons, t'aurais mais pu. Mais ta gueule. Elle t'aurait pu t'occuper de lui, hein? C'est quoi ça? Arrête de l'insulter. Si tu voyais la pédicure que je lui ai faite, c'est incroyable. Franchement, je me demande comment tu t'occupes de lui. Bah, tu es toi, hein, tu sais même pas comment tu. Bah, il m'a bien expliqué, bah, je le vois, tu sais. Il a des poils partout et tout. Ta gueule, repasse-moi, Brian. Non, écoute, tu sais quoi, tu vas venir et tu vas m'aider parce que j'ai pas fait le deuxième pied. Mais je n'ai rien à foutre. Allez, viens, parce que j'ai besoin de toi, vraiment. Non, bah, non, si, allez, viens. Repasse-moi, Brian. Allez, ramène tes limes et ta tout. Ta gueule. Mais dis comment tu parles, dire l'esthéticienne de ton copain. Qui toi? T'as pas remarqué que je suis passée de l'accent liégeois à l'accent belge, à l'accent bruxellois en deux minutes? Hein? Non. Non, putain, non, non, je suis en direct sur Énergie. C'est bien, on bonsoir Lindsay. Comment ça va? Brian qu'on récupère aussi. Lindsay est tombé dans le panneau, mesdames et messieurs. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Allez, soyez bienvenus sur Énergie. On va se faire soprano dans quelques instants là. Et vos notes vocales 0492 222 002 là. Ça dit quoi du côté de Jem là? Vince est dans la maison. Oui. Un dédicace pour notre ami Quentin bisexuel. Et à bientôt. Et merci Vince, hein, on t'adore. Eh ben formidable, merci mon pote là pour le message. Et bisous à Quentin du coup. Quentin bisexuel, visiblement. Ouais, big up. Voilà, hein? J'espère qu'il kiffe sa life. René dans la maison, qu'on appelle plus communément Zenrila. Allez le checker sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Zenrila, Z-E-N-R-I-2-L-A. On va parler procrastination avec lui. Il est là pour nous aider, vous aider justement à essayer de reprendre le contrôle. Parce que la procrastination, bah, comme tu l'as précisé en fait, c'est quoi la procrastination concrètement? C'est un truc qui te... Ah ben avec ton micro c'est mieux, voilà. C'est un truc qui permet d'évacuer ton stress. En fait. Voilà. On utilise ça comme argument pour relâcher mais le stress. N'importe quoi. On utilise ça comme comme pause clope. Ouais, une sorte de petite pause bonbon, pause clope comme tu dis, d'accord. Ouais. Alors le problème c'est que on flippe de ce qui peut arriver. Et par exemple moi c'est la question que je pose aux personnes qui viennent me voir. Ce serait quoi le pire qui pourrait arriver si tu le faisais? Et à ce moment-là, je vais aller chercher de quoi ils ont peur. Mais ça, c'est pour les cas où les gens qui procrastinent sur des gros projets parce qu'ils ont peur de la réalisation de ce projet. Et on approfondit tout ça. C'est pas nécessairement pour les tâches du quotidien, on est d'accord. Juste après Soprano. Tu vois ? À la vie, à la mort. On s'est teasé dans cette émission. À la vie, à la mort. C'est incroyable. On s'est rebondi. Mais pas la vie, à l'amour. La vie à l'amour, pardon. La vie à la mort. Soprano, on va parler de mort, mais jamais. À la vie à l'amour sur Énergie. Bienvenue. Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles. Et pile combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. Laï laï laï laï la la laï. D'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. 22h23. Soprano à la vie, à l'amour, featuring Lara, 22h22, le remix. C'est le chiffre fétiche préféré de Lara et tous les auditeurs l'envoient en même temps sur le WhatsApp, c'est ça qui est fort. Et un petit message qu'on m'a envoyé là, d'un nouvel auditeur là. Dis Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout bouffer, on va tout bouffer, on va tout bouffer. J'adore le remix. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser, on va tout casser, on va tout bouffer. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Bienvenue sur Énergie les amis, ce soir Zenrila est dans la maison. Zenrila, c'est merci. Allez, on l'applaudit quand même, allez. Oh, quel standing ovation pour cet homme. Dis Zenrila, rassure-nous quand même, il y a des gens qui te contactent un peu pour approfondir davantage ce qu'ils ont entendu dans l'émission. Est-ce qu'on te contacte sur les réseaux sociaux? Rassure-nous. Oui, oui, bien sûr, certains. Ah, quand même, certains. Oui, non, c'est parce que je me suis pris la tête avec quelqu'un, c'est pour ça que je pense. Ah bon, pourquoi? Sérieux? Ouais. Avec un auditeur. Avec ouais, quelqu'un, une jeune fille qui a voulu prendre, qui a pris une séance. Ouais. Et comme j'ai eu certaines mauvaises aventures, donc je te dis, bah, ok, envoyez-moi une preuve de paiement. Ce qui est tout à fait ton droit, bien sûr. Parce qu'il y en a qui ne payent pas et des trucs. Quand ils arrivent et hop, ah, je ne sais pas, pas d'argent. En plus, ce n'est pas distributeur dans ton quartier. Hein. Non, mais ça peut être par Skype, ça peut être par n'importe quoi. Oui, ça peut se faire plein de manières. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu travailles à distance aussi, donc évidemment. Et elle devait passer un examen. Et alors, une élocution, un truc du style, je sais pas. Et elle avait peur de parler en public. Et genre, c'était tout proche. Et ce jour-là, il y avait grève à la poste ou un truc du style. Ouais, j'ai dit, pas longtemps, écoute, je te fais la séance, mais je te fais confiance et tout. Ouais, pas de problème et tout. Et je lui donne un rendez-vous. C'est une séance de 2 heures. Déjà, elle arrive en retard. Oh my God. Après, elle me répond, elle était dans la rue. Elle venait d'aller. Et après, je dis, ouais, mais il y a du vent à crever, son micro, il ne fonctionnait pas. Je dis, ah, ben, je vais rentrer, mais je te rappelle après. Et au fait, elle n'a pas rappelé, donc moi, j'avais laissé mon truc allumé, j'étais occupé à faire d'autres choses. Elle a parlé avec sa mère et tout. Bref, elle a perdu une demi-heure. On bosse le temps qui reste. Moi, j'ai d'autres personnes derrière, donc je ne vais pas dépasser. Et à un moment, après, on termine le truc, je lui dis de faire des exercices, d'aller voir d'autres vidéos et tout. Et alors, à un moment, je me rends compte, tiens, j'ai pas vu passer son paiement. Et donc, je lui renvoie un message. Elle me dit, oui, j'avais oublié, mais je vais vous payer que la moitié parce que j'ai pas réussi mon interro. Mais enfin. C'est une blague! Je te jure que non! Non, mais c'est une blague! Et alors. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, hein. Gilet jaune! Gilet jaune! Non, mais il y a des gens, je te jure, sans pression ou quoi! Et alors, elle dit, moi, je vous paye que si ça réussit. Je dis, ben non! Mais non! Et alors, je lui renvoie. Mais non! Je renvoie un morceau de discussion où elle me dit, ouais, mais pour ce prix-là, c'est garanti. Je dis, ben non, moi, je fais le travail, on verra, mais je peux pas vous garantir. Ce que vous avez. Attends, c'est-à-dire que c'est pas grâce à toi que des gens vont tout d'un coup avoir tout le savoir universel pour réussir un examen. Il y a de la volonté, mais tu aides les personnes à récupérer le contrôle, enlever certaines peurs. Mais après, le travail vient d'eux. Je veux dire, c'est pas puisque t'as peur des examens que tu vas réussir ton examen. Je veux dire, t'as plus plein ton examen, c'est cool, mais t'as pas étudié, bah voilà. Mais tu vois. Écoute, faut pas essayer. Ah, je suis désolé. Mais non, c'est pas ta faute. Ah non, bien sûr, c'est pas la mienne. C'est ta faute. Voilà. Mais du coup, tu t'es fait combien? La moitié, 450. Pour le moment, rien. Voilà. Ah merde. Ouais, donc elle me dit, ouais, mais je travaille pas chez Dior. Je dis, ouais, mais écoute. Mais ça veut dire quoi, ça? Le truc, il était clair avant, que tu changes pas les trucs au milieu. Ouais. Attention, t'as des preuves, hein. Paiement, va la police, c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, c'est pas grave, Zenrila. En attendant, tu es là pour nous parler de la procrastination. La semaine dernière, on avait abordé quel thème la semaine dernière encore Le manque de confiance en soi. Les complexes. Ouais, c'est les complexes, ouais, surtout. C'est hein. Le manque de confiance. Pas la même chose. C'est pas pareil. Ah, ouais. Donc aujourd'hui, la procrastination. Alors, on a eu pas mal de réactions des personnes qui préfèrent rester anonymes, qui veulent pas trop passer à l'antenne. Quelqu'un qui dit, Vince, moi c'est dingue, je procrastine au travail, mais lorsque nous avons un événement à préparer dans mon ASBL, j'y arrive toujours d'un coup. Mais sinon, lorsque nous travaillons tous ensemble, je procrastine, c'est vraiment honteux. Tu travailles dans l'urgence. Ouais, tu travailles dans l'urgence, c'est un peu ça aussi, la procrastination. Il y a plusieurs trucs. Donc, il y a un autre exemple de procrastination. Je rappelle, parce qu'on me demande, c'est quoi procrastination? C'est remettre au lendemain. Ouais, voilà. C'est pas faire le truc que tu dois faire. tu sais que tu dois le faire, tu sais ce que t'as à faire, mais tu le fais pas, tu termines en faisant même des trucs que t'aimes pas, quoi. Mmh. Termines en train de faire la vaisselle, alors que la vaisselle, quand on te demande de la faire, tu la fais jamais. Ouais. Mais là, au lieu de faire le truc, tu vas faire la vaisselle, quoi. Juste pour éviter de faire le truc que tu dois faire. D'accord. Et parfois aussi, on va procrastiner parce que, on s'imagine, on dit si je le fais, ça va être comme ci, ça va être comme ça. On se fait tout un film. Et tout d'un coup, on a peur. Et si ça marche pas? Et on a tellement peur de ça que du coup, on ne le fait pas. Quoi? Et on reste avec cette illusion de comment ça va être si on réussit. Est-ce qu'on peut mettre ça, par exemple, pour les régimes? Ouais, alors à ce moment-là, il y a... C'est plutôt différent. Et on a peur, par exemple, d'être mince ou d'être belle, de se sentir trop belle. Le surpoids, c'est super émotionnel, ouais. Mais à ce moment-là, c'est plutôt un programme qui va te faire rester comme ça plutôt que la procrastination. Ah d'accord. C'est le programme qui va utiliser la procrastination. Mais ça peut être intrigué par la même chose, la peur peut-être d'être Si ta programmation c'est être un raté pour une question X ou Y, je sais pas moi, parce que quand t'étais petit à la maison, quand tu brillais plus que ton frère, tu te faisais frapper dessus, et donc être un raté c'était plus sécure. Eh ben ta programmation va faire que tu vas toujours faire ce qu'il faut pas faire ou pas faire ce qu'il faut faire pour pas arriver. Mais là, c'est pas dans le même domaine. On se dit pas ah je commence demain. Le truc c'est que dans la procrastination on met tout un tas de choses, parce que par exemple il y a aussi les gens qui sont neurodroitiers. C'est-à-dire. Oula, neurodroitier, explique-nous ça. C'est-à-dire que ton cerveau se divise en deux. Droit, c'est le féminin, quoi. Non. Dans ce cas-ci, ça n'a rien à voir. D'accord. Et alors, tu vas utiliser un certain pourcentage de ton cerveau droit et un certain pourcentage de ton cerveau gauche. Intéressant. T'es pas tout à fait l'un ou l'autre. Ah ouais. Et ton cerveau gauche, c'est plutôt tout ce qui est analytique, tout ce qui est cadre, tout ce qui est liste, tout ce qui est comptabilité. Oui, c'est le côté masculin. C'est ce qu'on dit en général. Et le côté droit, émotionnel. Mais du coup, le côté droit du cerveau... agite le côté gauche du corps. Et le côté gauche du cerveau agite le côté droit du corps. On est d'accord? Oui, mais ici, c'est dans un autre niveau. D'accord. Mais tu as raison dans ce que tu dis. Merci. Mais par exemple, les neurodroitiers... Comment intelligence? Attends, Zinrela et moi, on est en conversation, vas-y. Oui, c'est ça. Un petit speed café, dating. Il y a mon tacos qui arrive. Eddie qui est habillé comme un garçon de café, tu veux pas amener de café? Oh, c'est bien, tu l'as fait. Il est même pas concentré, Eddie. Il n'a même pas gardé ce qu'il a dit. Et donc, le cerveau droit? Et le cerveau droit, ça va être plutôt ce qui est artistique. Ce qui est dessin, ce qui est machin, tout ce qui est artistique. Voilà. Tout ce qui est... Et quand on est neurodroitier, notre cerveau il fonctionne différemment. Ça veut dire que les neurodroitiers, ça va être des enfants qui, en classe, vont rêver. On dit qu'ils rêvent. Et c'est des enfants, parfois, qui vont trouver le résultat d'une équation sans pouvoir faire tout le processus. Ah oui, ils ont la réponse, mais pas le procédé. Et okay. À ce moment-là, le cerveau, il fonctionne comme s'il passait son temps à collecter des pièces d'un puzzle. Mm-hmm. Et à un moment... Quand arrive le moment de faire le puzzle, il envoie le conscient ailleurs. C'est dans ces moments-là où il rêve, où il commence à faire un autre truc. Et l'inconscient, il fait tout le puzzle et à la fin, il le donne comme ça. Et ces gens-là ont besoin d'une deadline, ont besoin d'une date butoir pour pouvoir faire les choses. Les raisons. Et ce sont des gens qui ont tendance à faire les choses à la dernière minute et souvent râlent parce qu'ils disent si j'avais eu plus de temps. Ça a été beaucoup mon cas pendant des années. Si j'avais eu plus de temps, je l'aurais fait mieux. C'est dingue. Moi, c'est toute mon histoire de mes écoles secondaires et écoles supérieures. Et tu faisais bien, c'est-à-dire que tu attendais la dernière minute, mais tu cartonnais. Je le cartonnais à la dernière minute, voilà. mais si jamais je voulais vraiment, parce qu'il y a l'apprentissage que tu remets sur papier pour ton examen, mais l'apprentissage que tu intègres réellement en toi, je pense que si j'avais pris plus de temps, j'aurais pu faire quelque chose de bien mieux. Je pense que je cartonnais, c'est un grand mot, je cartonnais pas avec des 90%. Moi, les secondaires, je les ai réussis franchement avec des 50, 60%. Mais je récupérais mes 50% sur la fin d'année. C'est-à-dire que pendant toute l'année, je galérais, je glandais. Et aux examens, voilà, et aux examens. Donc, c'est-à-dire pendant toute l'année, j'avais des 3 sur 10 en moyenne, 2 sur 10. Et à l'examen final, eh ben, je tapais, boum, un 95 sur 100, tu vois. Wow. Et là, tout d'un coup, ma moyenne était remise à 50%. Et là, les profs me râlaient dessus en me disant mais putain, tu vois, t'as le potentiel de faire des trucs de ouf et tu n'utilises pas ton potentiel. Mais ouais, paix, bah parce que j'avais la flemme, je procrastinais de ouf. Je voulais faire de la radio, laisse-moi. Non, je te jure, c'est vraiment que j'avais la flemme. Et effectivement, tous mes profs m'ont toujours dit t'as les capacités, mais j'ai toujours glandouillé sa mère, quoi. C'est ouf. De toute façon, ça, c'est une connerie des crofs. Ouais, lui, il a les capacités, lui, il a pas. Tout le monde a les capacités. Bien sûr, tourne-toi, ça, c'est sûr. Merci, Zendrila. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est, il faisait bien de le préciser. C'est bien de le dire. Ouais, il faut le préciser pour tous les jeunes qui nous écoutent. Il y a là. Mon tacos qui arrive. Voilà. C'est le Relux. Va chercher ton tacos, Lara, t'inquiète, c'est vendredi, c'est le week-end. On va continuer avec toi dans quelques instants, Zendrila. Si jamais vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à note vocale ou alors par message 0492 222 002 sur WhatsApp, n'hésitez pas. Il y a Maxime qui m'a posé une question là. Il m'a demandé est-ce que Zendrila travaille sur la confiance en soi. Oui, tout à fait, ça fait partie de ses prérogatives. arrive, comme ça vous le savez. J'ai envie de pleurer ce que vient d'expliquer le mec, il vient de résumer ma vie en 1 minute 30. C'est Mathieu Dicharo qui a nous envoyé ce message. Natsu qui me dit c'est fou, je me reconnais dans ce qu'il dit. Il s'appelle comment le scientifique, lol. Il s'appelle Zenrila, Z-E-N-R-I-2-L-A. On arrive tout de suite pour la suite de cette émission, bien entendu. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince est sur Énergie. Je tiens à préciser qu'on arrive tout de suite pour la suite de cette émission. C'est comme l'eau s'amouille et monter en haut, c'est un pléonasme. Voilà, et là pour le coup, j'ai été un pléonase. Prenez-en plus sur l'équipe qui vous réveille chaque matin dans le 6-9 sur Énergie. Marco. J'adore dire j'arrive, alors que je suis même pas encore parti. J'adore les post-it. Ouais, ma vie, c'est un post-it. Dans la voiture, des post-it. Sur le frigo, des post-it. Partout, quoi. J'aime pas les pieds. Ça pue, c'est moche. Ça sert à quoi, à part marcher? J'adore les oignons. Heureusement que c'est de la radio, hein. Le 6-9 sur Énergie, tous les matins, 6h-9h. Dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Outside, it may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling. Trying to let you go. Oh, baby, please leave me alone. Bienvenue sur NRJ les amis, tout de suite était FX. Vince, tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Bienvenue sur NRJ les amis, on est tous ensemble tranquillement, là, présent, dans la maison. Bon, attends, qu'est-ce qui se passe? T'es mort de rire là. Vas-y. Ouais, tu m'entends ou pas là? Ouais, je t'entends. Oh putain, excellent, on est vendredi soir et il est exactement 22h39 et 31 secondes. Formidable là. Non, mais du coup, ouais, je suis mort derrière parce qu'il y a Thibaut qui nous a envoyé une vidéo du concert de Damso. Il voit rien. Et il voit rien du tout. Il est trop petit. Genre vraiment. Oh, le pauvre. Putain, le pauvre. Eh, franchement, je le plains déjà qu'il est roux. Non, mais non, non, c'est gratuit ça. Faut arrêter de l'ennuyer avec ça, le pauvre. Non, il ira au café après, tranquille. Bon, petite note vocale là. On ouais, Vince, salut. C'est juste pour savoir, est-ce qu'un jour on parlera des plus gros râteaux qu'on a déjà pris ou. Bien sûr. Parce que moi, perso, des gâteaux, j'en mets quasi tous les jours. Des gâteaux. Et donc, il faut croire que j'attire toutes les filles de mon école. Et... Excuse-nous. Ouais, un jour, j'ai déjà pris un gros râteau. C'est... Tu marchais dans le jardin. J'ai demandé une fille pour sortir avec. Elle me dit, ouais, je vais réfléchir. Et le jour d'après, elle arrive et elle me dit non, en me collant une grosse baffe, sa grand-mère. Et du coup, voilà, j'aimerais bien, ce serait marrant qu'on parle un jour de ce sujet. Très bien, écoute, on va parler des râteaux qu'on sera déjà ramassés dans la life, il n'y a pas de problème. Vince, ma copine, suis une rila grâce à vous et je lui ai dit de le garder, de le regarder, elle aime bien ce qu'il fait. En gros, il est coach de vie, non ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça ? Oui, oui, oui. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Il y a plein de noms, on peut donner plein de noms. Allez checker sur les réseaux sociaux si vous voulez, Instagram, Facebook, comme vous voulez, ou même YouTube. YouTube, c'est là où je mets toutes mes vidéos. C'est plus clair sur YouTube, hein, effectivement. Ouais, YouTube, il y a tout mon matos. Eh ben, n'hésitez pas, Vince, tu passeras mon dernier message vocal. C'est quoi ton dernier message vocal? Aïe, aïe, ho, je me casse du boulot. Ah ben, c'est bon, ça. Je suis dans la 3, je rentre chez moi. Aïe, aïe, ho, on t'encule, Nigel. Il a pas entendu, c'est dommage. Tu vois, Nigel, t'aurais dû avoir ton casque, il y avait un message pour toi. Non, mais j'ai entendu, hein. T'as entendu il quoi? Sort son boulot de merde, là, déjà. Ok, ça va, c'est voilà, bon. Moi, j'ai un bon boulot, toi, t'as un boulot de merde. Bon, allez. Les amis, si vous avez raté le TTFX, Jody qui a testé Jessica avec l'aide de Lara, c'est tout de suite, les amis. Bienvenue sur NRJ, on arrive dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vite, c'est dans la maison, merci. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. Attention, Jody, est-ce que tu es prête, ma chérie? Oui. Jody dans le TTFX. On inaugure le TTFX avec Jody et sa copine Jessica. Lara va tenter de dragouiller Jessica pour voir de quoi elle retourne. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je déteste ce jeu. Ah oui, oui. Et... Mais c'est de retour. Mais c'est de retour. Allez, c'est pour ma pomme, on y va. C'est parti, on va voir comment ça se passe. On va voir si elle a fini. Elle va voir si elle va décrocher. Elle alors attention, tard. Si jamais ça part en sucette, Jody, tu interviens quand tu veux. Hein. Quand tu veux. Ok, ok. C'est parti, on appelle. Bonne chance. T'as le jeu que vous avez demandé, avec qui ça revient, ben ça revient. Voilà, on y est. On appelle tard, on espère qu'il y a des conséquences. Allô ? Jessica, en fait, tu me connais pas. Je sais qu'il est un peu tard, je suis désolée de te déranger à cette heure-ci, mais en fait, j'ai eu ton numéro via Nico. Nico, mon cousin ? Ouais. Oui, Nico, ton cousin. Et je suis désolée, je sais qu'il est super tard et d'habitude, je n'appelle pas à cette heure-ci. Enfin, tu ne me connais pas vraiment, mais je crois qu'on s'est déjà aperçu. Mais en fait, je termine super tard et je voulais absolument t'avoir à un moment donné dans la semaine au téléphone. Et bon, tu dois dire que c'est un peu bizarre que je t'appelle comme ça, tu ne sais pas qui je suis. Mais en fait, j'ai parlé avec Nico parce que il y a quelques jours, en fait, je me suis baladée et tout au marché de Noël. Et... Bah, je vous ai vu en fait de loin, mais je vous ai pas dérangé parce que voilà, moi aussi j'étais avec des potes et tout. Et en fait, après ça, j'ai recroisé Nico, on en a parlé, puis voilà, on m'a dit qu'il était avec toi et tout, et voilà, j'ai voulu un peu, je sais pas, en savoir un peu plus sur qui t'étais, parce que sur le moment, je sais pas, je t'ai regardé de loin, j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu scotché, quoi, je sais pas comment te dire. Bah ouais, mais c'est chelou. Ouais, je sais, c'est hyper bizarre, ouais, j'avoue. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et t'as donné mon numéro comme ça, lui? Bah écoute, on se connaît quand même super bien, ça fait des années que, enfin, on a été à l'école ensemble et tout, et j'avoue que je l'ai un peu emmerdé, quoi. Il m'a donné ton numéro. Il m'a dit qu'il te préviendrait, mais je sais pas, il t'a pas prévenu? Non, non, pas du tout. Ah ok, d'accord. Bah écoute, voilà, je m'appelle Mélanie, en fait. Ok, enchantée. Enchantée. Et bah écoute, voilà, je sais pas, il m'a un peu parlé de toi, mais pas non plus, il m'a pas dit tout, mais il m'a dit que tu faisais du sport, ouais. Et du coup, enfin, je sais pas, ouais, moi ça m'a super intéressé, parce que moi aussi je fais du sport. Ouais, c'est la Nico, il me fait encore une blague. Quoi? Non, pas du tout. Non, non, non, non, non, vraiment pas, je te jure, c'est hyper sérieux. Il est avec toi? Il est pas avec moi, je suis toute seule. Non, pas du tout, je te jure, ça fait deux jours qu'il m'a donné son numéro, j'ai pas trouvé le temps de t'appeler avant, mais enfin, je sais pas, il est 23h54, j'avoue, c'est un peu, c'est pas vraiment une heure pour appeler et tout, mais j'ai pas trouvé d'autre moment, et là, je l'ai senti, mais je sais pas, je veux pas t'ennuyer, si je te dérange, tu me dis, mais non, ça va, ça va. Ok. Mais je sais pas, je voulais savoir il m'a dit que tu faisais du crossfit. Ouais. Je sais pas, je me disais peut-être que je peux peut-être te joindre pour un WOD. Je sais pas, en fait, j'aimerais bien faire ta connaissance. Écoute, je te le dis cash, quoi. Je veux pas aller par quatre chemins. Je te le dis cash, j'aimerais bien, je sais pas, te rencontrer, etc. Super. Je suis un peu gênée, excuse-moi. C'est spécial. Ouais, c'est flatteur, bon, voilà, quoi. Je suis pas toute seule, quoi. T'es pas seule, là? Enfin, si, chez moi ici, je suis toute seule. Ok. Dans la vie, quoi. Ah! Ah oui, ok, d'accord. Enfin, je crois qu'il m'a pas vraiment parlé de ça. Il m'a dit que c'était pas. Enfin, je sais pas. J'ai eu la sensation que c'était pas nécessairement un truc sérieux ou que t'avais quelqu'un, mais pas. Enfin, je sais pas. Je veux pas non plus m'immiscer dans un truc, mais en même temps, je sais pas, on pourrait peut-être prendre un verre ou je sais pas, se rencontrer, discuter un peu et puis voir ce qu'on peut faire. Ouais, on peut faire ça, pas de soucis. Ok, cool. Bon, ben, je sais plus vraiment quoi dire. qu'est-ce qu'on fait alors? On se donne rendez-vous? Je sais pas commenter et tout. Moi, j'aime bien les filles en fait et tout. Tu vois, après, tu vas pas vers quatre chemins avec moi, donc je vais pas aller non plus vers trois, quatre chemins. Ben non, mais en fait, j'avoue que je kiffe, je préfère que tu sois, voilà, ça me kiffe, je kiffe grave ce que t'es en train de me dire. Ben écoute, moi, je te dis, je fais du sport, je suis bien, je fais attention à moi, je suis pas non plus genre la fille maigre ou mince, j'ai quand même des formes, quoi. Mais je m'entretiens, je suis fit, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et puis voilà, moi je t'ai vu, je sais pas, j'étais piercing et tout. Enfin, je sais pas, j'ai craqué grave, quoi. J'avoue que ça. T'es sûr comment t'as vu? Mais oui, puisque t'étais. Comment physiquement? Bah, je t'ai vu que t'es avec des piercings, t'as des cheveux roses. Ouais, c'est vrai. T'es un peu. Enfin, t'es habillé en noir, je sais pas, mais c'est grave en style, quoi. Moi aussi, je suis un peu comme ça, un peu. Je m'habille beaucoup en noir. Mais écoute, enfin, je préfère que le plus simple, c'est qu'on se, enfin, tu vois, je veux pas te décrire tout dans les détails, mais ce serait peut-être bien que voilà qu'on se voit. Je sais pas si tu préfères qu'on aille prendre un verre ou je sais pas. Moi, je sais pas si on habite près l'une de l'autre ou je peux aller dans ton quartier ou dans le mien. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que là, on peut se donner un rendez-vous sur la place de Bruxelles? Moi, je suis Bruxelles, donc. Ouais, moi aussi. Ok. Voilà, maintenant, plus tard le soir, parce que voilà, ma copine, elle fait une nuit. Donc, ce serait bien comme ça, au moins. Donc, ah ouais, d'accord. Il n'y a pas. Bah écoute, en fait, ce que j'aime, c'est que t'es cash, quoi. C'est-à-dire, tu me caches pas le truc. Mais bon, après, écoute. Moi, je suis plus volatile, donc voilà, je ne veux pas. pas te cacher non plus. Non, non mais c'est je sais pas, mais voilà, quoi, t'attends pas à une histoire sérieuse. Voilà, quoi. Bah écoute, je préfère que tu sois honnête, ça me... Ok, bah écoute, c'est bien, c'est, voyons comment ça se passe, si c'est une fois, bah voilà, enfin, d'abord il faudrait qu'on se rencontre, puis voir si on se plaît, et puis de là, on verra quoi. Mais c'est quoi, je vais t'envoyer un message avec, enfin je sais pas, on peut peut-être se voir vendredi ou quelque chose comme ça. Quel jour t'arrangerais? D'accord. Ouais, vendredi, nickel. Ok. Ouais, parce que je vendredi, je fais la nuit. Allô? Ouais, parce que vendredi, je fais la nuit. C'est ça? C'est plus facile, hein? C'est qui? Tu te fous vraiment de ma gueule, toi, de me demander qui je suis? Ouais. Tu te fous vraiment de ma gueule, en fait? T'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. En fait, je t'explique que depuis tantôt, je t'entends, c'est bien, tu dragues, machin et tout. Et en attendant, moi, je me tue, je travaille. Et toi, t'es là, tu dragues, t'as que ça à faire, en fait. C'est bien, c'est sympa. Ça t'éclate, en fait. C'est ça, parce que vendredi, je fais la nuit, machin, donc c'est facile. C'est bien, t'attends pas un truc sérieux et quoi et moi, je suis quoi? Tu te fous du monde ou quoi? Enfin, je sais pas, tu t'es prise pour qui? Franchement. Wow. Franchement, réellement. Mais bégaye pas, tu t'es pris pour qui réellement à venir me dire, oh, ma... tu sais que dans un mois, je comptais t'épouser, dans un mois, je comptais t'épouser, mais maintenant, tu veux te la mettre la bague. M'en plein milieu de ton cul réellement, mais vraiment, franchement, tu me dégoûtes, mais vraiment, enfin, t'imagines même pas. Genre, t'as jamais été voir ailleurs, toi. Mais jamais, mais je t'aurais donné ma vie. Tu t'imagines même pas à quel point tu me répugnes. Je te vois, je te crache dessus, tu me dégoûtes. Mais vraiment. L'arrêt pas fière, brisé un coup. Au plus haut point. Dans un mois, je voulais te marier. Ah putain, je suis mort. Tu te rends compte ou pas? Enfin, tu serais peut-être un peu plus souvent là, j'aurais pas envie de te tromper. Et voilà, c'est la faute de l'autre. Ok, en attendant, moi je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que toi pas, je fais les nuits, je me tue. On allait acheter une maison et t'es là. Et tu viens me sortir quoi, eux? Et alors, je travaille et quoi? Tu veux que je me coupe en deux? Ça te pas de me parler de faire des plans à trois, tout ce truc d'un genre, bah voilà. On dirait que c'est un mec. Je t'ai parlé de plans à trois, je t'ai parlé avec un homme, pas avec une fille qui sort de nulle part ou ce genre de truc. Enfin, tu viens d'où, franchement? Et puis, je sais pas, hein, c'est des trucs privés, toi et moi, un plan à trois, ouais, avec un homme. Comment est-ce que toi, t'es avec elle, en fait? Non, mais moi, je suis pas avec elle, en fait, je t'explique. C'est juste pas que toi, t'es une grosse couillonne, tu viens de te faire pigeonner comme une colle, et moi, par la même occasion, tu vois. Moi, ça fait 3 ans, en fait, que je me sens enculée, vous. Jeudi, elle a raccroché. Elle a raccroché. Est-ce qu'on dit qu'elle a raccroché l'énergie ou pas? Non! Alors, mais l'idée, c'est Jeudi, on lui rend service. Jeudi, ouais. Comment? Désolée, ma chérie, on lui rend service, c'est un grand mot, mais. Désolée, ma chérie, je suis désolée. Mais non, mais. Au moins, elle voit comment ça me fait, c'est tout. Bah là, il y a la réalité du truc, mais c'est un peu notre faute. Oui, mais elle voulait le savoir. C'est vrai. C'est elle qui me demande. Jeudi, bon, la question la con, tu te sens comment? Oh, ma chérie. Elle rigole pas. Ah, oh, c'est bon, elle va encore pleurer. Non, Nigel, arrête, je coupe son micro à lui. Allô, Jeudi. Ma chérie, comment. Oui, je suis désolé. Arrête, putain, il est con, il rigole. Non, arrête. Sors un peu du studio, s'il te plaît, va loin. Va voir tes amis là-bas. Arrête, sors du studio, arrête. Et arrête de crier fort, de rigoler fort pour que ça s'entende dans le micro. T'as l'air relou, lui. Jeudi, allô, ma chérie, tu m'entends? Écoute, ma chérie. Écoute, c'est. J'avais dit avant le truc, hein, c'est à risque et périls, hein. C'est. Voilà. Ouais, mais. Au moins, enfin, je sais. Oui, le mieux, enfin, oui. C'est le bon côté, c'est le savoir. Vaut mieux. Enfin, je sais pas, maintenant ça dépend. Est-ce que vous préférez ignorer et être cocu ou alors le savoir et. Ça dépend des gens, mais apparemment elle voulait le savoir, elle. Voilà, et ben du coup, je dis, c'est chiant, mais au moins il y a la vérité, et puis voilà. Mais c'est vachement. Arrête, putain! Pleure, ça fait du bien! Ah, ça fait rien du tout, ouais. Non, mais vraiment courage à toi, Jody, mais je pense que vaut mieux le savoir là plutôt que le savoir après l'engagement. Là, ça aurait été relou, quoi. Oui. Oh non, c'est clair. C'est galère. Non, mais arrête, Nigel, toi aussi. Non, mais de ouf, attends. Nigel, t'es vraiment trop un bâtard. Merci de le préciser. Courage, ma belle, c'est mieux ainsi. Non, mais vraiment, si vous avez des messages sympas à lui passer, n'hésitez surtout pas. Putain, mais c'est un connard de rigoler comme ça, là. On nous dit, là. Respect à Jody, franchement, elle trouvera beaucoup mieux, là. Meurde. Ouais, franchement. Oh non. Nigel, s'il te plaît. Non, mais on va te prendre l'antenne. Sors vraiment du studio. Allez, cache-toi. Allez, Joe, s'il te plaît, t'es puni. Allez, va là-bas dans le coin. Allez, va à l'arbre de Noël. Non, mais vraiment. On est coupé par la pub. Ah, putain, on est coupé par la pub. Ok, ça va. Je m'ignorais ça. Bon, allez. C'est pour ça que tu te permets de rigoler comme ça, comme un ouf. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous entendent et d'autres pas. Certains nous entendent, d'autres pas. Eh ben, bravo. On arrive tout de suite. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Vince au 0800 23456. 0800 23456. Et délire avec lui à l'antenne. Et en plus, c'est gratuit. Mais bien sûr que c'est gratuit, les amis, dans les chouettes moments là que vous pouvez retrouver ce soir dans l'émission là sur Énergie. Et ben, dites-vous que dans quelques instants, après le TTFX qu'on a eu, la friendzone, on s'est fait piéger. Il y a un bébé, je les connais. Ilias qui a appelé Sarah, magistral, mais explosif. Je crois que c'est un des meilleurs moments qu'on ait pu vivre cette saison. Ça va se passer en deux parties, là, dans les prochaines minutes sur Énergie. Là, on va débriefer également avec Zendry, là, tout à l'heure. Tranquillou, on a Post Malone qui va arriver avec Swally, s'appelle Sunflower, Léa Passy aussi. Avec On prend des notes, tout ça est prévu pour ce soir. On va se faire un tic-tac-boom tous ensemble. D'ailleurs, si vous voulez jouer, bah, très facile, il suffit d'envoyer boom maintenant sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. Là, merci à Séverine qui nous dit courage, au moins tu le sais avant de t'engager, avant le mariage. Ouais, c'était par rapport à la tâleur, effectivement, puisqu'on a repassé un petit moment de cette semaine là. Merci à tous pour vos messages, on a vraiment eu des tonnes ce soir, encore une fois, comme d'hab. Quelqu'un qui m'envoie son premier message qu'il a jamais envoyé sur Énergie, c'est WhatsApp. Bah, merci pour le message. WhatsApp, bien, et toi? Tranquille. Y a Lou qui est connecté aussi là, qui envoie des gros bisous là, la demoiselle qui est passée dans quelques instants. Et merci vraiment, il y en a vraiment pas mal dans tous les sens là. Salut Vince, je m'appelle Stéphanie, j'écoute ton émission depuis le 27 août. Je n'ai pas eu l'occasion de t'envoyer un message. Voici, c'est mon premier. Eh ben, bienvenue à toi. 0492 222 002. Coucou à Monia qui est là, connectée aussi. Un petit message, notre vocal de Damien. Et vive les transgenres et les bisexuels. Fais-toi plaisir, Damien, que la vie, que ta vie soit belle. Bon, allez, on arrive dans quelques instants. Bougez pas. Le fameux bébé, j'ai déconné, Ilias, qui a appelé Sarah. Ça s'est passé en début de semaine. C'était explosif. Préparez-vous pour ce moment. Appelez vos potes, dites-leur d'écouter Énergie parce que, franchement, c'est un des moments les plus what the fuck qu'on ait pu avoir dans cette émission. Bienvenue. Vince est dans la maison. Vince, 21h minuit sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. Thomas, qu'est-ce que font tes parents et tu détestes ça? Quand ils me ramènent à l'école ou quoi? Ouais. Tout simplement, ils commencent à faire plein de bisous. Et à la fin aussi, c'est aussi « Ah mon petit choubidoubidoubidou ». Le 6-9 sur Énergie, lundi. Lundi, dès 6h. You fight like hell, but you're barely alive. Work so hard, just try to survive. Head's underwater and your hands are tied, I know. Dream so big, eyes are wide. That's the kind of life that I can't provide. It breaks my heart how you feel tonight, I know. Lean into me, with you back in your mind. When you're broken inside, ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Never there. Take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know. Lay your worry down on me. Minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Ilias, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis là. Prêt. C'est parti, bébé, j'ai déconné avec Ilias tout de suite sur Énergie. Ilias qui vient de BX Bruxelles. Bruxelles, V. Et on appelle Sarah tout de suite, il va faire croire qu'il a trompé en vacances avec son pote. Enfin, il a pas couché avec son pote, mais. Enfin, ça, on sait pas. Hein. En tout cas, il a une histoire. On y va, c'est parti. Allez. Allô ? Attends, ça sonne. Allô ? Yes. Allô ? Ouais, ça va ? Allô ? Pourquoi tu m'appelles en privé ? Bah écoute, je devais appeler le travail, donc j'avais besoin de... Attends deux secondes. Attends. Ouais, t'es là. Ok, c'est bon, dis-moi. Tu disais quoi, pourquoi t'appelles en privé ? J'ai dit avec le numéro du travail, j'avais appelé une entreprise pour ça que... J'avais mis mon numéro en privé, tu vois. Ok. Tu vois, toi, ça va ou quoi? Ouais, ça va. T'as une drôle de voix. Bah, ça va, bah, j'ai passé une journée un peu tendue, quoi, tu vois. Ouais. Un peu chaud. Ok. Et j'ai aussi pensé un peu à ce qu'on, tu vois, la discussion dont on avait parlé, tu vois. Laquelle? Laquelle? Ouais, quand je suis revenu, là, tu me dis, ouais, genre, j'étais bizarre ou quoi, tu vois. J'ai pas compris. Bah ouais, t'as changé. Je sais pas, ouais, je sais pas. T'as l'habitude à changer, quoi. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Ah, un truc, je sais pas moi. Pourtant, je sais pas, on sort, on fait... Tu vois, on fait ce qu'on a à faire. Ouais, mais je sais pas. Je trouve que depuis, t'es devenu un peu... Je vais pas dire distant, mais il y a un truc, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Comment ça? Mais je sais pas, j'arrête pas de te dire à chaque fois que tu me dis non, il n'y a rien, mais au plus tu me dis ça, au plus je me dis qu'il y a un truc. Mais bon, peut-être que je flash, peut-être que je paranoie, je sais pas. Bah écoute, moi j'ai un truc à te dire, je sais pas comment est-ce que tu vas prendre ça, mais voilà quoi. Tu vois. Ok. Bah, tu vois, quand je suis parti avec Salim à Toulouse. Ouais. Bah, je t'avais dit qu'on était sortis un peu avec ses potes et tout. Mm-hmm. On est sortis, on a un peu bu et tout, tu vois. Il y a des copines à lui qui sont revenues, tu vois, des potes de longue date, tu vois. Mais tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de filles. Ouais. Mais bon, ça c'était au début de la soirée. Après, tu vois, ils se sont croisés, ils ont dit 2-3 embrassages, tout, ils sont venus à notre table, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et puis tu sais quoi, on a bu, puis voilà, il y a eu quelque chose, mais voilà, je voulais t'en parler, mais c'était un peu tendu, tu vois. Parce que. Attends. Et tu m'as annoncé au téléphone? T'es sérieux? Bah écoute. C'est pour ça que tu voulais pas me voir depuis 2-3 jours là. Non, je t'ai dit, j'avais du travail. C'était un peu compliqué, tu vois, j'avais des rendez-vous et tout, tu vois, c'était chaud. Ouais, mais ok, mais pourquoi tu m'annonces ça au téléphone? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, c'est... Voilà. C'est compliqué, quoi. Ok, continue. Bah écoute, voilà, on s'est dit, on a bu et tout, bah non, tu sais quoi. Et il y a sa copine, il y a eu un peu rapprochement, tu vois. Et voilà, je voulais pas... voilà, quoi. Enfin, il y a eu rapprochement, tu vois, et donc... un peu... Non, rapprochement, c'est pas un mot. Tu dis bien. Enfin. C'est quoi rapprochement? Pourquoi tu me parles de rapprochement? Ça veut dire quoi rapprochement? Ouais, tu parles bien. On a parlé, on a bu un peu. Puis c'est tout. Voilà. Il y a eu. Ouais, vas-y, mais accouche. Bah, de toute façon. De toute façon, voilà quoi. Non, mais parle bien. Sérieux. Il s'est passé quoi? Je sais pas, t'es une fille trop bien pour que je te dise ça. Je peux pas te dire ça, tu vois. Je peux pas. J'ai déconné et voilà quoi. Tu vois, c'est compliqué quoi. En fait, tu te fous de ma gueule. Bah non. Non, mais t'es en train de te foutre de ma gueule. C'est ça l'excuse que t'as trouvé. T'es une fille trop bien. Quoi? C'est ça l'excuse en fait. C'est trop bien. Excuse, mais je suis là, tu te fous de ma gueule. Je viens te dire ce qui se passe, tu me dis je me fous de ta gueule. Déjà de 1, je viens te le dire, tu vois ce que je veux dire. Non, mais voilà, tu as bien réagi. En tout cas, tu as bien réagi. Je veux dire, bravo. Félicitations, merci beaucoup, c'est bien, donc quoi maintenant, quoi. Bah écoute, je te mérite pas, je sais, tu vois. Mais ça, c'est une disquette de film, en fait, je t'explique, hein. Comment ça? Ça, c'est une disquette, genre, je te mérite pas. C'est une raison pour tromper? C'est pas tromper, voilà, je te le dis, quoi, tu vois. C'est pas comme si, tu vois, je fais une erreur, voilà, je viens avec mon erreur, je te le dis. Tu vois, c'est pas comme si je viens... Tu vois ce que je veux dire? Alors, les auditeurs, ils nous entendent pas, comme ça, vous savez. Ah non. Moi, je comprends pas. C'était un peu dur, j'ai gardé. J'ai l'impression qu'Ilias a vraiment trompé, en fait. Après, maintenant, voilà, je viens vers toi. Il y en a qui se servent de nous pour faire genre c'est une blague. Je voudrais votre avis, peut-être que je me trompe. Je vais venir te le dire, tu vois. Donc, voilà. Ah non, non, non, non. On dirait pas qu'il fait une blague, tu vois. On dirait qu'il avoue un truc. Mais c'est quoi? Voilà. Quoi, voilà. J'espère que. On dit, il joue tellement bien que ça paraît vrai, on me dit. Tu pourras comprendre que. Voilà, quoi, que t'es une fille trop bien pour moi, quoi. Il n'ose pas le dire, ouais. Ça, c'est sûr que je suis trop bien pour toi, mais ça, c'est sûr et certain. Déjà. Et deuxièmement, J'ai jamais entendu une excuse aussi bidon de toute ma vie. Et il y a plein de gens qui sont d'accord avec ce qu'on a dit. Hein. Tout simplement, et t'as rien trouvé d'autre à dire que c'est trop bien pour toi. Non, t'es juste un connard et un chien. C'est simple. C'est quoi, chien? Les hommes, c'est tous des animaux, de toute façon. C'est ça. Et toi, t'es le plus grand des animaux. Ça va? Le plus grand animal, il est venu, t'as dit ce qui se passe. Je m'en fous. Le mal est fait, tu crois quoi? Maintenant que je vais mieux dormir, je vais me sentir mieux. Oh, trop bien. Bah, moi, j'étais honnête, je suis venu chez toi. Mais j'ai pas acheté mon été, en fait. J'en ai jamais acheté tout mon été. Il fallait pas tromper, point. C'est simple. C'est pas trompé, c'est une erreur. On vous demande pas grand-chose, Non, viens, mais c'est pas possible. Arrêtez, tu me dis au téléphone. Tu te fais de ma gueule au téléphone. Et apparemment, je suis trop bien pour toi, mais je suis pas assez bien pour me dire en face. Je t'ai dit, c'est compliqué, je pouvais pas. Mais après, je n'étais pas bien. Comment c'est tu veux compliqué, j'ai des remords, je te le dis. Mais le truc, c'est que je n'ai rien à foutre de remords. Mais moi, je dois savoir, je dois parler avec Elias avant. Je peux pas dire que c'est une blague alors qu'en fait, c'est pas une blague. Non, mais. Voilà, quoi. Je vais raccrocher à Sarah. Voilà, mais en plus, ça se voit que t'en as rien à foutre, en fait, hein. Je sais pas, on dirait que tu es juste en train de rigoler. Et quand je te dis, il y a un truc, il y a rien. Ben voilà, en fait, il y avait quelque chose. Je suis pas folle. Dieu merci, je suis pas folle. Mais tu vois, c'est voilà. Ça qui m'a interpellé. Elle a senti les femmes, vous sentez, ça. Quoi, tu vois. Ça fait trois ans, non. Les gars, on prend les paris. Il l'a trompé pour de vrai ou pas? Ouais, d'office. Toi, tu penses que oui, ouais, pas trompé. Toi, tu dis pas trompé, Thibaut, parce que ça dépend de vous, les gars. Hein, ah, je pense pas. Tu penses pas? Ok, très bien, ça fait 2-1. Eddy? Non, moi, je pense pas non plus. Ok, mais ça fait 3-1. Tu penses quoi? Moi, je pense que oui. Alors, du coup, c'est bon, c'est la majorité qui l'emporte, donc je vais rentrer et je vais faire partir du principe que c'est une blague qu'on est en train de lui faire. Voilà. C'est la base. Désolé, mais il y a mon sens déontologique qui s'en est mêlé. Je te dis, tu peux le dire à toutes les filles qui nous écoutent aujourd'hui. C'est une grosse blague d'été, je rigole avec toi. Ah, c'est bon, il l'a fait. Attends, il l'a dit. Il l'a dit. Mais attends, quoi? Retournement de situation, il a dit. Je rigole. Non, Elias. Non, pourquoi tout d'un coup t'assumes plus, Elias? Ah, non, faut dire les choses, hein. Mais non. Ah non. Je pas. Non, c'est pas vrai, t'étais pas en train de rigoler et tout, tu m'as dit que c'était sérieux et que tu voulais essayer de trouver une manière de lui avouer et tout. Pourquoi tu fais ça? T'as ça rapporte. En fait, tu te fous de ma gueule. T'es avec tes potes et tu m'appelles. C'est marrant en fait, vous êtes en train de foutre de ma gueule. Non, mais tu es en train de foutre de ma gueule en fait avec tes copains. Je trouvais pas la manière de te le dire que voilà quoi, tu vois, je pouvais pas garder ça pour moi, tu vois. C'est pas que avec ses copains. Mais pourquoi t'es en train de transformer ça en blague, en fait? Mais c'est pas une blague. Je comprends pas. Attends, mais en fait, toi, tu veux que je débarque chez toi, en fait. Comment ça, mais... Mais allez, tu peux pas faire un appel entre... Mais c'est quoi ça? Allez, dis-lui, Elias. Dis-lui. Bébé? Ouais. Ouais, Elias. Comme je t'ai dit, y a pas... Voilà, quoi. Mais c'est bon, moi, je suis au courant. Y a pas de problème que t'es une meuf. Ça me dérange pas. Quoi? Attends, mais vous êtes devant la TV, l'ordi? Non, là, je te jure que je vais te débarquer chez toi, je suis dans la voiture en plus, hein. Ilia, c'est bon. Dis-lui de raccrocher, c'est bon. Eh, c'est qui cette pute? Vas-y, passe-moi le téléphone. Allô? C'est moi que tu traites de pute. Aïe, vous êtes vraiment... Nakamura. Mais toi, t'es en... En plus, tu... Ouais. Toi, vous êtes où? Vous êtes où? Je vais venir maintenant. On est là. Tu fais trop la maligne, toi. Ouais. Ok. Jésus de Nazareth. Tous les jours, je vais vous dire de Nazareth. On est à Bruxelles. C'est trop facile au téléphone. Mais quand je vais débarquer, je vais bien niquer ta mère, tu vas voir. Ah, c'est ça, justement. C'est ça que j'attends depuis le début. Ouais, ben tu vas voir. Je vais te montrer c'est quoi. Ok. Allez, vous êtes où? On est à Bruxelles. Ouais, mais où ça, Bruxelles? Va sur Google. Moi, je suis dans la voiture non, et j'ai débarqué maintenant. Écoute-moi. Je vois que ça fait un petit peu trop la maligne. Écoute, va sur Google, Google et tape 775 chaussée de Louvain. Ça va. D'accord. Ouais, tu vas voir, on est dans un endroit très connu. Ah, sale pute. Repasse-moi, Iliès. Ah, je te le repasse. J'ai pas besoin de parler avec toi, dégage. Y'a pas de problème. Dégage, je vais pas t'habiller, je suis sûre que t'es même pas habillée. Non, je suis à poil. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est bien, c'est bien, c'est très bien, t'es fière de mais toi. Si ça va bien, bravo. Bravo, bravo. Quoi, bravo, moi je rigole avec toi. Va te faire foutre. Va bien te faire foutre, toi. Franchement. Non. Si je vais pas débarquer, t'appelles pas Sarah. Ça va? Tu te fous de ma gueule. Tu t'es foutu de ma gueule. J'en ai rien à foutre. Ça va? Arrête, il faut ça. Continuez. J'ai raccroché. Non. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Et la deuxième partie, c'est dans quelques instants, juste après Post Malone avec Swahili. Ça s'appelle Sunflower. Merci à vous, les amis, d'être connectés ce soir. Là, ces petits moments que vous avez kiffés pendant la semaine. Il est 23h13. On est là, on est présent. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Là, j'espère que de votre côté aussi, que tout roule tranquillement. La partie 2 du BBG, je connais Elias qui appelle Sarah. Et préparez-vous parce que la suite, c'est encore plus explosif. Ça va partir en what the fuck. Elle va prendre son volant et ça va partir en sucette totale. Bienvenue sur Energy, let's go. Deuxième partie, bébé, je les connais tout de suite. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. Alors, Ilias, une question que je vais te poser et que plein d'auditeurs demandent. Est-ce que t'as trompé ta meuf ou pas, la vérité? Non. Ok, d'accord, ça va. Parce que tu sais, tout à l'heure, on t'avait posé des questions, c'était pas très clair, t'as un peu joué, genre, ah ouais, non. Et du coup, il y en a plein qui ont eu l'impression, tellement tu jouais bien, il y en a plein qui ont eu l'impression que tu l'as vraiment trompé. En plus, elle-même, elle avait dit, genre, Sarah, ouais, mais je sens depuis un moment, et entre toi et moi, il y a un truc qui va pas. Et donc, sur le coup, on s'est tous regardés en mode, putain, il l'a vraiment trompé, il lui fait une blague à la radio, il essayait de lui dire à la radio, tu vois. Donc, tu me garantis que non, on est d'accord, Ilias. Franchement. Ok, très bien. Bon, elle a l'air d'être en PLS, là, donc on la rappelle tout de suite, ok? Ah, s'il te plaît, ouais. Vas-y, rappelle-la et dis-lui de pas venir et tout. Pas tout de suite. Ça marche, t'inquiète, vas-y. C'est parti. Oh, des courage. Fais-lui péter. On a raté le 23h23. Ouais, putain, il ne reste plus que le minuit. C'est pas grave, il y a des choses plus importantes, là. Allô? Ouais, bébé, ça a raccroché. Ouais, c'est bien sûr. Non, je dis non, mais rassure-toi, faut pas passer tranquille. Hein. En fait, je suis déjà en route, hein, je t'explique, je suis dans la voiture. Non, t'es en route. Je suis là, je regarde Netflix. Bah, j'étais sur la TV, quoi. Allô? En fait, je crois que tu réalises pas la gravité des choses. Je crois vraiment que tu ne réalises pas. Hein. Comment ça? Ben quoi, je suis ici. Voilà quoi. Je t'ai dit. Non. Mais en fait, regarde, on est des humains. On est ensemble. On a eu des hauts et des bas. Et voilà, quoi. Écoute, on a. C'est des choses, c'est une chose qui est arrivée. C'est seulement une chose qui est arrivée. Ouais. Et maintenant, je viens, je t'en parle. J'en ai rien à foutre. T'es un fils de pute. Tu m'as compris? T'es un chien. T'es un connard. Et ouais, voilà. Non, t'écoutes pas. Écoute. Ça va? Non. Déjà, de un, t'as pas à m'appeler pour me dire ça. De deux, tu m'appelles, il y a des gens avec toi. Non, je te dis, je suis à la date truse, quoi. Non, j'ai entendu une voix, il y a une fille qui m'a parlé. Tu te fous de ma gueule? Je regardais la TV qui m'a parlé. Regardez Cam, tu vois, le truc là, Cam, la meuf. Si elle m'a parlé directement, elle a répondu à ce que j'ai dit. Mais oui. Comment la TV peut répondre? Mais tu me réponds pas, mais c'est vrai ça. Plus élevé que le tien. Ben, comment est-ce que la télé peut te répondre? C'est vrai, ça n'a pas de sens. Ah oui, foutez-vous de ma gueule. Franchement, tu vois, quand je vais débarquer et que je vais péter tes dents, tu vas rien comprendre. Mais qui a moi? Tu vois, ça fait 10 ans que je fais de la boxe anglaise. Oh, tu vas voir que tu as encore des dents. Non, s'il te plaît. Ouais, tu vas voir. Je tiens mes dents. C'est très important parce que je dois parler tous les soirs. Avec... Ouais, c'est ça. Ben, même les cheveux, t'auras plus, en fait. Non, mais j'en ai besoin parce que des fois, je suis filmée. Ouais, c'est ça. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais je te promets. Mais attends, mais je vais plus le péter lui que toi. Hein. Hey, qu'est-ce qu'elle va faire, la meuf? Mais elle a dit qu'elle vient me péter. Elle va te péter. Elle va rien faire, elle parle. Mais tu me connais. Tu me connais, après. Tu sais très bien que je frappe. Pourquoi je fais de la boxe? Ouais. Eh non, mais elle croit que je suis liasse. Elle croit que je suis liasse, ouais. Eh putain, elle est trop conne. Oh. Ah, de ouf. Attends. C'est qui me traite de conne, là? Quelqu'un? Eh, vas-y, dis pas mon nom. Dis pas qui je suis. Elle fait quoi? Elle vient ici ou quoi? Ouais, je crois qu'elle vient là. Elle vient vraiment ici? Ouais. Chaussée de Louvain, wesh. Ouais, 775. Ouais, je suis en route, y'a pas de soucis. Tiens, écoute le klaxon. Tiens, salope. Et j'arrive, y'a pas de problème, j'arrive. On va voir si vous allez encore rigoler. Et je vais te montrer c'est qui la conne. Elle est là dans combien de temps? Je sais pas, dis-nous, t'es là dans combien de temps? Comme ça, on prévient la sécu. Ouais, c'est ça. Dans 12 minutes. 12 minutes. Ça va? D'accord. Oui. Ouais. Octave. Après quoi, on attend ou... Ouais, c'est ça, rigolez bien. Ah, je demande aux potes, on attend ou on attend pas là? Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend. Ah, viens montrer ta boxe anglaise. Et sinon. Ouais, moi, je vais faire la boxe thaï. Moi, je peux utiliser les jambes. Toi, pas. Ah, si, je peux aussi. Ah bon? Quoi? Je peux parler avec mon mec, s'il vous plaît? Ça va, on te le passe. Elias, vas-y, arrête de fuir, prends le téléphone. Tiens. Ouais. Non, mais les gars, non. Qu'est-ce qui se passe? Mais on a raccroché à Sarah, putain. Mais bravo, alors là. J'ai même pas eu le temps d'appuyer. Non, parce que j'ai appuyé sur le sécurité. Les gars, je voulais appuyer sur le sécurité, vous avez appuyé trop vite. Je voulais la sécurité, je voulais la sécuriser, vous avez appuyé trop vite, ça a raccroché. Il y a personne qui a appuyé. T'as déconné. Elle a peut-être raccroché. Attends, on la rappelle, Elias. On la rappelle. Alors, c'est peut-être qui a raccroché. Attends, rappelle. Tiens, parle-lui. Libérez ça. Vas-y, rappelle. C'est bon, attends qu'elle vienne ici. Hein. C'est possible. Hein. Allez. Espèce de petit connard de merde. Ah, c'est clair. Encore une fois, tu me passes tes zemmels de potes, tu vas voir. Tu vas voir si je vais pas débarquer chez ta madre. Je vais aller chez ta mère, c'est encore mieux. Je vais te ruiner là-bas. C'est quoi ces gens qui m'insultent? Mais est-ce que tu te fous de ma gueule ou quoi? Écoute, ma biche, y'a pas de ça, y'a rien. Biche, ça va, c'est ta mère la biche. Laisse-moi biche. Ah, écoute, tu vas rester à la barre, tu vas t'étiner, on va reparler de ça tranquille. Je suis déjà dans la voiture, je suis en route, tiens. Écoute le klaxon. Reste à la maison. Reste chez toi. Je sais pas t'es qui, mais je vais débarquer. Et si je te trouve pas, je vais chez ta mère, t'inquiète pas. Je sais très bien où elle habite. Vas-y, c'est bon. Passe-la-moi. Écoute. T'inquiète. Passe-la-moi. Allô, Sarah. Je suis un pote à Elias. Non, y a pas. Écoute, moi, je suis pour rien. Moi, je suis un pote à Elias. Je vais essayer de t'écouter. J'en ai rien à foutre. Écoute-moi. Non. Mais attends, mets 103.7 sur ta radio. Non, y a pas de radio, non. Ah, bah, ça, c'est con. Mets sur Spotify. mets 103.7. Vas-y. Je sais pas. Moi, mon téléphone est connecté à la voiture. Je suis dans la voiture, je suis en train de rouler là. Et en tu fait. Tu peux mettre la radio en même temps. Ah, c'est dommage, c'est pas mettre la non, radio. Non, parce que le Bluetooth, non, il est connecté au Bluetooth. Et tu veux pas. Dommage. Et oh, oh, oh, oh. On se calme. Non, parce que moi, j'ai rien à voir avec votre histoire. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je te jure, je connais même pas Iliès. J'arrive. Mais je ouais, le connais ouais, même pas. Faut pas me parler, alors faut pas me parler. Pourquoi tu te mets de nos histoires? Ben, je sais. Ben, parce qu'en fait, on m'a demandé. Ouais. Iliès, il m'a demandé, en fait. Ouais, ouais, vous êtes tous payé ma tête, y a pas de problème. Je vais débarquer, je vais vous montrer. Oh merde, mais non, mais ouais, merde, je vais raccrocher au nez. Mais ouais, je vais raccrocher au nez, j'ai pas fait exprès. Putain, mais t'es relou. Allez, elle est pas bien là. Non, mais attendez, les gars, est-ce qu'on l'accueillerait pas, Énergie, ici, dans les studios? T'es où? Elle va nous niquer, frère. Mais non. Vas-y, parle-lui. Écoute, les gars, venez, on l'accueille à Énergie, on lui dit que c'est une blague. Allô, mais venez, pourquoi tu raccroches, en fait? C'est pas mettre sa radio. Je pouvais pas garder. En fait, tu veux quoi? Non, tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? Mais ouais. Je veux parler avec toi. Mais tu vas l'accueillir. Moi, je l'attends. Vas-y, comme ton sexe. Faut que tu filmes. Ah ouais, t'es ouf. Pardon? Bah, je t'ai dit, comme toi, tranquille, on parle sérieux, là. Et comment tu veux rester calme après avoir entendu des imbécilités pareilles? Quelle imbécilité? Je t'ai dit ce qu'il y a, je pouvais pas garder ça pour moi. Quoi, maintenant? Bon, déjà, ça, je veux même plus en parler parce que t'es une grosse merde. Ça, arrête, c'est clos. Ouais, t'es merde. Va mettre passer la sortie dans la bouche, hein, t'as je suis désolée, tu veux m'annoncer ça, tu me le dis, en face. Et tes potes, là, qui sont en train de faire la soupe de Michael, je vois pas pourquoi tu dois rajouter ça, en fait. Ouais, elle a raison. Pourquoi? Donc à partir du moment où tu estimes que écoute, je suis trop bien pour écoute. Toi, alors il faut faire les choses moi déjà, je t'ai dit déjà, c'était pas possible, ces temps-ci, c'était difficile. C'est pour ça que j'étais, tu vois. Donc maintenant, je t'ai appelé. En fait, le mec, il a préparé son prank depuis super longtemps. Ouais, d'où? Tu veux garder ça, tu veux faire caca nerveux. Je t'emmerde, Ah, Elias, c'est là dans combien de temps? Hein? Merde, elle a raccroché, putain, c'est pas nous là. Putain. Là, c'est elle qui a raccroché. Là, c'est elle, j'y suis pour rien. Merde, bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'accueille ici ou on dit que c'est une blague à la radio? Bon, Elias, l'heure est grave. Est-ce que ta copine a essayé de t'appeler là par hasard? Elle a envoyé des messages. Alors, elle va vers où exactement? Elle va faire chez ta mère ou elle va venir chez nous là? Elle vient chez ma mère, je crois. Là. Ok, bah tu sais quoi, on l'appelle, tu lui demandes. Vas-y. C'est parti, ça appelle. Si jamais elle dit je vais à Louvain, chaussée Bleuvin, on l'accueille. Si elle dit je vais chez ta mère, on dit que c'est une blague. Let's go. Si elle vient ici, on lui casse les dents. Non. Elle fait de la boxe, arrête, reste calme. C'est elle qui va te casser. Boxe les anglaise. Allô, ouais. Tu vas où là? Je vais chez ta mère. Ah merde. Non, de toute façon, mais je vais chez ta mère. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais pas montrer. Continue. Ouais. Ouais. Je vais bien aller chez ta mère. Comme ça, on va aller à la source. Non, mais qu'elle vienne ici. Comme ça, c'est nous la source. Non. C'est moi la source. Mais c'est comme ça que je vais te faire du mal. Non, tu me fais du mal, je vais te faire encore plus du mal. Mais non, mais attends, Elias, passe-la moi. Qu'elle vienne ici. Allô, Sarah. J'ai pas envie de parler avec vous. Écoute, moi, je m'appelle Vince, je suis un pote à Elias. Il y a Lara aussi. Ouais, je suis là, c'est Lara. Il y a Lara, il y a Nigel aussi. On s'en raccroche ou pas? Voilà, il y a Eddie, il y a Thibaut. Et en fait, tu dois comprendre quelque chose, Sarah, ralenti. C'est que. Tu es en direct sur la radio Énergie. Pardon? T'es sur Énergie. Ouais, ça va. Elias, dis-lui qu'elle est sur Énergie. Ah, t'es sur Énergie, bébé. Attends, je vais lui mettre un jingle, comme ça, ça va être peut-être un petit peu plus clair. Attends, vas-y, un jingle. De n'importe lequel. Il me faut un jingle. Celui-là, il est parfait, tiens. Attention, cette émission dépasse les limites des bords des frontières. Peggy 18. T'es sur Énergie! Ouais. Ah, ok. Mets ta radio, depuis la table, on te dit mets ta radio. Attends, vous foutez de ma gueule. 103.7, vas-y, mets-le, tu vas voir, ça va te rassurer, ça va te faire du bien. Non, mais là, attends, c'est une blague. Oui. Oui. mais je suis en train de rouler vers chez sa mère là. Non, mais vous avez vu l'heure? Bah oui, on fait l'émission le soir de 21h jusqu'à minuit et plus, c'est pour ça. Non mais Iliès, t'es sérieux? Non. C'est quoi? Mardi, hein? Mais c'est pas marrant en fait. Pas l'extra face. Iliès, je rigole pas, hein. Oh putain. Je crois que dans tous les cas de figure, t'es niqué, Elias. T'allais vraiment aller chez ma mère, t'allais toquer, dire ouais ton fils. Ouais, franchement. Ouais, et tu mérites que j'aille en fait. Mais non. Ah, ça c'est bien, ça c'est la suite du prank. Bah arrête toi aussi. T'as le prankeur pranké, t'as vu. Non mais tu il faut rien casser, Sarah, toi aussi, doucement. Mais attends, c'est la honte là, c'est une blague ou quoi? Mais c'est pas la honte, mais oui c'est une blague, oui, c'est une blague, c'en est une. Non, je suis désolée, c'est un manque de respect là. Arrête. Ilias, il a voulu te montrer son amour, te prouver, tout simplement tester un petit peu cet amour, voir à quel point tu tenais à lui. Et Ilias, je pense que là, il y a une femme qui t'aime là. Là, il y a une femme qui t'aime à mort, mais c'est un truc de ouf. Franchement. Satisfait, il est con. Il a des satisfaits, le mec. Oui, il est con. Oui, franchement, non. Franchement, Ilias, t'es con de dingue. Mais ouais, mais je suis d'accord. Elle a grave l'aide. Mais attends, Sarah, mais je suis trop avec toi, quoi. C'est horrible. Je suis désolée de t'avoir fait ce canular. Toi, ta gueule, connasse. Non, je connais pas Ilias en plus. Non, mais voilà, Sarah. Toutes les filles sont avec toi. T'inquiète pas, déjà, dis-toi un truc, c'est que. Ilias, il a voulu se faire la blague, effectivement, en direct sur NRJ. Il n'y a pas de message qui arrive. Il y a pas un autre thème. C'est lui qui a choisi. En début de blague, j'avais dit, si on faisait genre une voiture crashée, si on faisait Je te jure, le mec qui se discute. Et tout d'un coup, Ilias, non, je vais dire que je l'ai trompé. C'est lui qui a choisi. Oh là là, tout est bien qui finit bien. Enfin, tout est grave qui finit bien. Ouais. Donc, Sarah, ne t'inquiète pas, non, c'était une blague. C'est pas fini, ça va. Non, on va régler ça. C'est quoi les. Et non, il n'y a pas. Ilias, fais gaffe. C'est quoi ce manque de respect là? Elle va te taper. Non, je suis désolée, je suis pas d'accord. Non. Ouais. Tu peux. Tu m'as foutu la honte là. Non. Tu m'as fait sortir de chez moi. Tu m'as fait rouler. Tu m'as fait devant tout le monde. Tu te fais ma gueule. Alors, Sarah, le truc c'est que la honte n'existe qu'à partir du moment où on te reconnaît. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas reçu le message de gens qui te connaissent. Comment? Il y a beaucoup de gens qui connaissent ma voix. Ah, excuse-moi, t'es une sonne. À la radio, ça change. Ça change à la radio. Ah, excuse-moi, Sarah Michel Guéla. Excuse-nous, Beyoncé. Pardon, Rihanna, attention. Arrêtez. Excuse-nous, Lara Belle-Rose. Ah, merde. Vas-y, Drake. t'inquiète, tout va bien. Tout va bien. Mais dans quelques temps, vous allez en rigoler, quoi. Ben oui. Ce soir, c'est sûr, vous allez ken. Attends, quand la vidéo va sortir, là, on va te reconnaître. Non. Je ne ferai rien sans la vie d'Ilias et la vie de Sarah, bien entendu. Enfin, la vie d'Ilias, du moins. Parce que j'ai l'impression qu'Ilias, il est du genre à y aller en kamikaze, lui. Voilà. Bon, Sarah, écoute la suite de l'émission, ma chérie. Branche-toi sur énergie. Ne fais rien de grave chez sa maman. Parce que Ilias n'est pas là-bas, de toute façon. Ilias, t'es où, là? Comme ça, elle vient de casser la gueule. Voilà. À la maison, chez moi. Allez, voilà. Va lui casser la gueule maintenant. Allez, crochet du droit, boum, boum, tac, tac. Allez, c'est fait. On va régler ça. Ça va faire l'amour comme il faut. Allez, ça rentre, fais un bisou. C'est ça, il peut toujours rêver. C'est une manière de faire l'amour, hein, de frapper. Enfin, je déconne. Non, il n'y a pas. Oh, ça rare. Il m'a manqué de respect. Franchement, moi, je veux plus le voir. Oh, putain, quoi. Et voilà, casse tes couilles. Il a qu'à retourner en vacances avec son pote. Il a qu'à trouver quelqu'un là-bas. Je m'en fous. Moi, je veux plus le voir. Et Bardave, c'est l'embardé. Non, c'est bon. Merde. Moi, il ne fout pas de ma gueule comme ça. Moi, c'est pas des blagues à faire. Il me connaît en plus. Il sait très bien que je rigole pas avec ça. Je crois que c'est pour ça qu'il a voulu le faire. Sarah, écoute ma chérie. Enfin, c'est moi je dis ma chérie alors que c'est ma biche, il dit. Voilà. Ça prend pas la confiance, t'as pas attention. Hein. T'inquiète pas, Elias. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Mais quel bordel ce soir, incroyable. Les moments que vous avez kiffé cette semaine, que vous redemandez là sur le WhatsApp. Coucou Adèle qui est connectée à Marco aussi, à Tania. Elle va le taper le mec. Mais ça se trouve, c'est peut-être le truc qui s'est passé. Hein. Bonsoir Vince, peux-tu faire un gros big up à toute l'équipe Night and Days de Namur. Signé Pauline et Mathieu. Avant minuit, s'il te plaît, beaucoup finissent à cette heure-là. Bah nous, on est supposé finir à minuit. Et aujourd'hui, puisque Extravadance. De minuit jusqu'à 1h, je vais me faire une joie de finir à minuit pour une fois. Enfin, peut-être que ce sera minuit 4, minuit 5. Oui, ça arrive jamais, Zenry, là, effectivement, ça arrive jamais. Comment ça va? Comme c'est la procrastination, on commence à l'heure et on termine là. Ah, regarde-moi ça. On va encore aborder ce sujet-là parce qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées concernant la procrastination. Des gens qui disent, tout ce qu'on a abordé comme thème il y a plus ou moins une demi-heure, on a pas mal parlé de cette fameuse procrastination. Remettre au lendemain ce qu'on a tendance à pouvoir faire le jour même, hein, bien entendu. Et donc, du coup, toi, tu donnes des solutions, des clés parce que tu expliques. explique en fait tout simplement qu'il s'agit globalement d'une peur. On a une sorte de peur quelque part enfouie, en partie la peur de l'échec. Et donc du coup, si on avait vraiment confiance en ce qu'on faisait, on le ferait en fait, s'il comprend bien. C'est ça, mais donc moi je... On en reparlera dans 30 secondes, enfin 30, t'as 30 secondes pour en parler, mais on ne porte... Je vais parler de deux manières différentes de travailler là-dessus. Super, donc des techniques qui vous permettent à vous d'arrêter de procrastiner, de remettre au lendemain constamment. C'est dans plein de domaines, hein, les études, le boulot, dans absolument tout le ménage, et que sais-je. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels on procrastine pas, quoi. Eh ben formidable, puisqu'on en parle tout de suite. Ok. Ne bougez pas, restez avec nous sur Énergie. Let's go. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit, sur Énergie. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h. C'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Do you love me? Tell only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Wow, bon sang, le son est arrivé super vite là, j'étais saisi par mon jingle. Vince, c'est dans la maison sur Énergie, j'espère que ça se passe bien tranquillement. Il y a Zendrila qui est dans la maison ce soir aussi. Ouais. Lara qui m'a rejoint et on salue Omar, hein. Omar, un auditeur qui nous a rejoint dans les studios. Oh là là, mais Omar m'a tué quoi. Ah, non, complètement. Je suis désolée, mais il nous a apporté plein de cadeaux. Omar, viens. Omar, viens. Il faut que tu viennes, Omar. Je sais pas si, je sais même pas s'il nous entend. Viens. Il hésite, il dit viens, je rentre pas. J'y vais pas. Omar, installe-toi à côté de Lara, s'il te plaît. En plus, c'est rare que Lara accepte des gens à côté d'elle. Ouais, c'est très très rare. Omar. C'est un privilège. Comment ça va, Omar? Ça va, mon pote Vince, tu vas bien? Mais ça va, mon pote, tranquille. Super, super. Toi et moi, on se connaît depuis combien de temps, là, Omar? Depuis 2011. Depuis 2011, depuis que j'ai commencé la radio. T'as un des auditeurs, je crois, les plus fidèles qui m'a écouté pendant des années. C'est un truc de ouf. Et Omar, je voulais te remercier à l'antenne de la radio. C'est la première fois que tu prends le micro d'une radio? La première fois, ouais. Ouais, putain, ça sort petit de ouf, ça. Je suis à la maison, je suis chez moi. Ah, mais clairement, Omar est dans la maison. Sur Énergie. Omar, il m'a offert un petit déguisement de Noël, là, pour mon petit. Franchement, ça fait plaisir pour mon fils. J'ai pensé à toi, je me suis dit, bon, je peux pas laisser un pote comme ça que je connais depuis longtemps sans cadeau. Et en même temps, je voulais te féliciter parce que j'avais pas encore eu l'occasion. Ah oui, parce que effectivement, je parle pas d'un de 7 mois, 18 ans. Ouais. Il a 18 ans. Ah mais il marche déjà hein, 7 mois, donc du coup il se met debout. Il marche pas encore, mais il se met debout tout seul. Quand il se met debout, pour Vince, il marche déjà. Oui. Fais attention. Il faut vraiment qu'il maîtrise bien le 4 pattes avant que tu le laisses se mettre debout et marcher. C'est ça, mais t'inquiète, même, il trace en 4 pattes. Même le forcer parfois à se remettre. Pour les muscles ? Non, parce que le 4 pattes, ça aide à la coordination. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, il adore. Elle a dit pas debout, il te force à te mettre à 4 pattes. Voilà, non mais t'as raison, coordination gauche-droite. Mais t'inquiète, il trace, hein, il va dans toutes les pièces, il se balade. C'est une formalité pour lui, 4 pattes, j'ai l'impression. Hein. Enfin bon, j'espère que plus tard. En même temps, chacun ses choix. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, on m'a remercié. Puis en plus, il m'a offert un parfum parce que je pue. Donc du coup, on voit qu'il te connaît depuis longtemps. Non mais c'est toi aussi, tu me connais depuis longtemps, toi qui me craques le dos, Zenrila. C'est pour ça que je fais ça en fin de soirée, parce que je rentre après. Parce que ça pue un peu. Je sais que si tu veux, c'est à longueur de la journée. C'est le troisième parfum, en fait, c'est pour qu'il ait un troisième enfant. Comme elle lui avait fait une blague l'autre jour, je me suis dit, avec ça, mon ami, T'as entendu ce moment à la radio ? Je suis toujours là, mon ami. Et tu te serais senti comment, toi, si t'avais vécu ça ? Quand ma femme m'a appelé pour me faire une blague, genre. Franchement, j'aurais lâché tout et je serais parti direct. C'est vrai ? Ah ouais, d'accord. Moi, j'étais en train de penser au déménagement. J'étais en train de penser à plein de trucs parce que Zenrila, t'es pas au courant. J'ai écouté, ouais. Il devait changer l'appartement. Ah ouais, là, ouais. Sa garde de meuf. La voiture, tout, j'ai tout changé. Hein. C'est-à-dire que ma copine m'a fait une blague comme quoi je vais être papa pour la troisième fois. Et donc, sur le coup, je me suis dit, quoi déjà ? Mais tout ça, avec qui ? J'étais en train de compter les mois et tout pour savoir. Je disais, ok, en août et tout, voilà. Voilà, effectivement. Mais vous avez entendu ce truc ? C'est égyptien, c'est un docteur et il avait 5 enfants, un truc du style. Et à un moment, il a dû faire une prise de sang, il a dû faire des examens. Et au fait, il s'est rendu compte que depuis la naissance, il était stérile. Non, c'est une blague. Ah, c'est horrible. Ouais, j'ai entendu une histoire, quoi. Ah, c'est horrible. Donc en fait, sa femme l'a trompé. Pas qu'une fois. Ah ouais, non, mais 5 fois. Minimum. 5 enfants. Putain, c'est chaud quand même comme histoire. Ouais, bon, en tout cas, c'est sûr que sa femme n'a pas procrastiné, bien sûr. Ah hein. Bah non, hein. Mais elle a procréé par contre. Ah oui, bah, bien vu. Ouais. Le 4 pattes, elle maîtrise bien. Et les gars, justement, Zenrila, c'est important d'en parler. Il y en a plein qui disent, s'il vous plaît, parlez-en lundi de la procrastination. Non, on en parle aujourd'hui parce que Zenrila, on en profite que tu sois là. Zenrila, il part, ouais. Ah, exactement. Vince, il va mieux ton fils. Oui, et puis il est moins malade. Merci, il va beaucoup mieux. C'est très gentil, en tout cas. Mmh. Et big up à Miracle qui est connecté. Quelqu'un qui me dit, aidez-moi. Cette fille, ah oui, je vais voir, c'est pour la friend zone. T'inquiète pas, on va revenir vers toi dans les prochaines minutes. Merci à toi pour ton message, en tout cas. Zenrila, la procrastination, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'arrêter de remettre au lendemain ? On en a parlé dans l'émission depuis 22h environ. Ouais. On en a parlé entre les petits moments de l'émission et tout. Que c'est quelque chose qui parfois arrive. La procrastination vient parce qu'on a peur d'accomplir quelque chose. Ouais. Donc, admettons, je ne sais pas, quelqu'un qui a envie de faire dans la chanson, par exemple, ou quelqu'un qui a envie d'être plombier et qui a la flemme d'étudier, qui a la flemme de faire ses trucs. On appelle ça la flemme, mais c'est plus parce qu'il y a une certaine peur qui est un peu rentrée dans notre esprit. Je sais pas, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai une amie en France qui est en train d'écrire un bouquin et on a fait une séance parce qu'elle n'avançait pas. Et là, elle m'a envoyé un message cet après-midi en disant qu'elle est déjà au troisième chapitre et qu'elle carbure à mort. Quoi. Ah ouais ? Donc, ça, c'est les deux il y a deux manières différentes. Moi, dans mon boulot, je travaille de deux manières différentes. Et je mélange les deux parce qu'elles ont l'habitude de se faire la guerre. C'est la thérapie et le coaching. Donc, la thérapie, je vais aller chercher la peur et je vais, avec la personne, travailler cette peur pour qu'elle ne l'ait plus. Et donc, elle n'ait plus besoin d'utiliser ce truc de la procrastination, le repli, parce qu'elle quoi. A peur, elle a peur d'y arriver. Et donc, quand tu travailles ça, tout d'un coup, c'est plus facile et tu te prends plus la tête, tu commences plus à te raconter des conneries. Ensuite, il y a la manière coaching, parce que, en réalité, la procrastination, t'es pas procrastinateur. Tu utilises de la procrastination. Et tout ce que tu utilises de manière répétée, tu deviens bon. Et donc, plus tu le fais, plus tu deviens bon et plus tu le fais pour plein de trucs. Et donc, à un moment, il faut casser cette habitude. Et il faut utiliser des techniques pour, d'une certaine manière, te forcer à le faire. Mmh. Parce que, en réalité, on s'est rendu compte que ce qui prenait énormément de temps, c'est se mettre en marche. C'est ce qui demande le plus d'énergie, c'est de se mettre en route. Et donc, il va falloir remplacer cette habitude de ne pas faire le truc ou de le remettre à demain par l'habitude de commencer. Et donc, tu vas te faire des phases où tu vas commencer un truc et tu vas le faire ne fût-ce que 5 minutes. Après 5 minutes, si tu veux, t'arrêtes, mais t'habituer à commencer. S'habituer à commencer, mais ça peut être des projets. C'est intéressant pour des étudiants qui galèrent, qui procrastinent à l'étude, qui remettent toujours. Là, on parle vraiment d'étudiants parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui vivent ça peut-être avec leur examen actuellement en secondaire. Certains du supérieur et de l'université qui nous écoutent en ce moment et qui sont en plein blocus. D'ailleurs, si c'est votre cas, dites-le nous là, sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. Encore un coup de la part de Richard. 0492 222 002. Et dites-nous sur WhatsApp si jamais vous avez également cette tendance là actuellement à procrastiner, et si vous êtes étudiant en école supérieure ou université, comment ça se passe justement votre session d'examen. Donc tout ça, il faut pouvoir aller au-delà, et tu conseilles en tout doucement, en s'y mettant tout le temps. Ouais. Et le truc, c'est que quand tu commences, quand tu vas procrastiner. Mais quand t'as la flemme, t'as la flemme. Non, mais ce qu'il dit, mais c'est la flemme, ça n'existe pas. Tu dois pas dire que tu vas étudier pour 4 heures, en fait. Tu commences, voilà. Tu dis, bon, c'est pas grave, je peux même faire 5 minutes s'il faut. Mm-hmm. Donc tu te mets dans ton truc, et peut-être à un moment donné, ça t'intéresse ce que tu fais. Oui, et les études, elles ont démontré que les gens qui commencent, 80% continuent après les 5 minutes. Au lieu d'arrêter, une fois qu'ils ont commencé, ils continuent. 80%, c'est énorme. Ouais. Oui. Et le truc, c'est que quand tu le fais pas, quand tu fais pas les choses, tu commences à te sentir mal, dire merde, je dois le faire, nanana, et tu commences à te prendre la tête. Et tu es sur le côté, tu utilises le côté de ton cerveau. Et le problème, c'est que ce côté-là de ton cerveau, il n'est pas fait pour prendre des décisions. La partie de ton cerveau qui prend des décisions, c'est le cortex préfrontal. C'est ce qu'il y a au niveau du front. D'accord. Et pour changer de chaîne, tu peux utiliser une règle qui s'appelle la règle des 5 secondes. J'en parle sur ma chaîne YouTube. C'est quoi ? C'est le fait que tu vas décompter de 5 à 0. Donc tu dis 5, 4, 3, 2, 1. Même pas le 0, le 5, 4, 3, 2, 1. Et quand tu fais ça, au fait, tu reviens sur le cortex préfrontal, qui est le centre des décisions. D'accord. Ça veut dire que tu peux décider de faire autre chose à ce moment-là. Attends, c'est-à-dire, mets-moi en situation. Donc, je suis là et je sais ce que j'ai à faire. J'ai trois mails à envoyer. Par exemple, je dois étudier, j'ai trois mails à envoyer. Je sais exactement les étapes que je dois faire. D'accord. Et je suis là et je le fais pas. Oh, c'est pas bien que je le fasse pas. Et, putain, merde, ça va encore. Et là, t'es là, t'as la roue d'hamster qui tourne ici. Ouais. Et à un moment, tu dois casser ça, parce que quand tu es dans cette situation-là, tu peux pas le faire. Et donc, à un moment, tu dis 5, 4, 3, 2, 1 et tu le fais. Et tu te laisses pas la possibilité de faire autre chose. Tu le fais. Okay. Par exemple, quand tu dis 5 4 c'est 36. Quand tu dis 6 x 6, ouais, et tu l'as pas calculé, tu le connais par cœur. Ouais. Par contre, si je te dis 23 plus 32, là tu es obligé de 55. Et donc tu es obligé de revenir sur cette partie-là du cerveau. Et c'est vraiment 1 2 3 4 5, c'est un automatisme, c'est comme, en fait. Ouais, 1 2 3 4 5, c'est comme 6 x 6. Tu dois pas réfléchir. 5 4 3 2 1, tu utilises cette partie-là du cerveau. Tu dois un peu réfléchir. Et donc, à ce moment-là, donc, tu reviens... X, W, V, machin. Ouais. Et à ce moment-là, tu reviens dans la partie de ton cerveau qui te permet de prendre des décisions. C'est incroyable, ça. Et donc, ce qu'il faut faire... D'où ton 5, 4, 3, 2, 1, en fait, c'est vraiment pour changer de chaîne, en fait. Tu changes de chaîne. Et au lieu d'être sur ta chaîne de la procrastination et machin, en fait, ton cerveau gauche, c'est ça, ou droit, je ne sais plus très bien. En fait, tu resitues tout au cortex préfrontal. Tu reviens sur l'endroit qui te permet de prendre une décision. C'est énorme, et ça. Et alors, cette règle-là, tu peux l'utiliser pour faire des choses ou pour sortir d'une idée de merde dans laquelle tu tournes. Alors, il y a un message qui vient d'arriver, hein. On nous dit, Vince, réduis pas ça qu'aux étudiants. Pour certains comme moi, c'est toute ma vie pour tout et n'importe quoi. En tout cas, Dieu bénisse le discours de cet homme. Dieu bénisse. Dieu bénisse Henry. La flemme, ça n'existe pas. On voit qu'il connaît pas certains de mes potes, Robin. Robin, moi, j'ai fait un doctorat en procrastination. Moi, j'étais le roi de la procrastination. Ouais, c'est ce que tu m'as raconté. Moi, la flemme, le glandeur, mon cursus scolaire, c'est une catastrophe. Et pourtant, maintenant, je donne des cours de mémorisation et de trucs du style. Et le truc, c'est que l'hôpital tu dois. Qui se fout de la charité quand même. Tu dois. Mais non, je rigole, que. Je rigole. Tu dois enrayer ton habitude d'éviter. Et donc, tu dois commencer à faire. Tu dois arrêter de rêver, Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, c'est bizarre parce que je crois que tout le monde est un peu comme ça. Il y a des moments dans la vie, peut-être des situations exceptionnelles ou des gens qui sont hyper motivés et tout. Mais on a tous cette flemme en fait. Mais à un moment donné dans la vie, t'as plus de place pour la flemme. Il faut le faire. Tu dois faire des trucs et tu parfois, les fais. Parfois t'as acculé, tu vois. Et c'est quand t'as eu trop de flemme, t'as trop de trucs, tu vois. Le truc, c'est que pas acculé, t'as acculé. Oh putain, tu m'as levé, elle. C'est le truc de la quatre pattes. Moi, par contre, je voulais vous demander un truc. Omar l'auditeur, dis-nous. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir à une chose. J'arrivais pas à le trouver. À un moment donné, je me suis déconnecté de ton esprit. Ouais, je me suis déconnecté de mon esprit. Le fait de réfléchir à une chose, je ne réfléchissais pas à cette chose. Ouais. Et après, juste au moment où j'ai voulu reprendre le fait de vouloir penser à cette chose-là, elle est venue à mon esprit directement. Oula. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ça arrive souvent. Non, ça arrive souvent. Non, par exemple, quand t'as du mal, quand il y a un mot qui vient pas, ouais. Et ok, laisse tomber. Essaye de trouver le nom de quelque chose. Quelques secondes après, et à un moment donné, je me suis occupé à autre chose. Et quand je suis revenu à repenser à cette chose, elle est venue directement dans mon esprit. Je fais, c'est bizarre ça. C'est pas ton cerveau qui travaille encore sur le côté, qui continue à traiter l'information. Ouais, tu travailles plus. Mais j'essaie de vraiment de trouver cette quoi, c'était un mot que tu trouvais pas? Ouais, c'était le nom de quelque chose que j'essaie de... Tu sais plus ce que c'est maintenant. Ouais. J'arrivais... Bah, n'y pense plus. Je sais, mais bon, je disais, franchement, il y a des moments où on se déconnecte. De c'est une certaine pression, peut-être que. Ouais, c'est ça. Quand tu trouves pas le mot, t'as un stress. C'est comme quand t'es là, tu cherches un truc, tu dis je le trouve pas, et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, mais il est là, connard. C'est parce que t'es trop dans le truc, quoi. Donc la méthode, tu as conseillé, si jamais 5, 4, 3, 2, 1, tu décomptes. Donc quand tu vas prendre une décision, avant de prendre ta décision, par exemple, tu sais que tu dois, je donne un exemple, va faire tes documents, ton administratif à la maison, tes papiers, tes factures, tu dois étudier ton cours de maths, t'as la flemme, t'es là, tu procrastines, tu dis bon, je ferai ça à 16h, alors qu'il est midi, que c'est le moment idéal, et ben tu te fais 5, 4, 3, 2, 1, et puis boum, tu prends ta feuille, tu commences, tu prends tout ton cahier, et à ce moment-là, normalement, t'as 80% de chances de continuer au moment où t'as commencé. Si on en croit bien les statistiques que tu nous as 80% des gens, c'est pas que tu vas avoir 80% de chance. 80% ah oui, 80% des gens continuent, d'accord. Et le truc, c'est s'habituer à commencer. Parce qu'en fait, c'est ton inconscient. Donc pour tout, en fait. Ouais, parce que... Genre, je dois aller faire les courses, 5, 3, 4, 3, 2, 1, allez, c'est bon, je prends mes clés, je m'habille, je vais faire les courses. Ouais, et tu te laisses pas la possibilité de faire autre chose. Je dois aller à Ikea, ça me saoule, on est samedi, il y a full de monde, 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est bon, je décide, je vais à Ikea. Par exemple, le truc, c'est commencer au réveil. Et arrêter de snoozer, tu vois, d'appuyer sur le bouton snooze. Ouais, de répéter le réveil, là. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé cette technique. Elle s'appelle Mel Robbins, elle était dans une vie, enfin, elle raconte toute son histoire. J'ai fait une vidéo, c'est la seule vidéo que j'ai fait comme ça, où en réalité, j'ai juste traduit une interview d'elle. Tellement, tu vois, des fois, t'écoutes des interviews, il y a une pépite, deux pépites, et dans cette interview-là, il y a plein de pépites. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez la règle des 5 secondes version longue. Et si vous écoutez, si vous parlez anglais, vous allez directement voir sa vidéo. Je mets tout est en lien dans ma vidéo. Et Zenrila sur YouTube. Hein. Ouais, Z-E-N-R-I-2-Z. Vous mettez Zenrila, la règle des 5 secondes sur YouTube, et vous la trouverez. Mais c'est génial. C'est elle qui a inventé ça. Mais c'est parfait. Et donc le truc, c'est que quand tu vas faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, eh bien, en moins de 5 secondes, ton inconscient il va trouver un moyen pour que tu ne le fasses pas. C'est dingue, ça. Ah oui, d'accord. Mais il y a plein de réactions. Hein. Je prends quelques-unes au hasard, notamment Christelle, allez. Bonsoir Vince, mon fils a totalement foiré son année l'année dernière. Ah, il a même redoublé tout ça par flemmingite aiguë, donc par la flemme. Je vais essayer avec lui, merci pour l'info. Donc les 5, 4, 3, 2, 1, mais pas 15, hein, bien sûr. Davy dit quoi, Davy 80% des gens, ils continuent. Mais malheureusement, Nigel, là, t'es dans les 20% qui restent. Hein. Nigel, lui, il fait rien, Nigel. Nigel, Voilà, il est toujours là, vous inquiétez pas, mais lui, il est perdu. Salut Vince, c'est pour ça que ça fait 3 ans que je dois placer mon balcon. Bah voilà, quelqu'un qui doit placer un balcon, qui doit faire un travail. C'est vrai qu'aussi, les petits trucs de la maison, les là. Rangements. On a la flemme, ça, c'est la flemme suprême. Mais de t'as Dieu. Pas le temps aussi. Et des fois, pour les projets. Monter l'armoire, tout ça. Des fois, pour les projets, on se dit, ouais, il faut que ce soit parfait. Et alors, t'as tellement la folie de que ce soit parfait que finalement tu ne le fais pas. Et il y a un truc, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez faire des trucs dans la vie, ouais, sachez qu'un truc mal fait est mieux qu'un truc pas fait. Bravo. Oh putain, voilà. Wow. Tu sais quoi, ça, je suis content d'être revenu. C'est vrai que c'est pas con du tout ce que tu dis là. Un truc, donc, il faut répéter cette phrase. Non, mais... Un truc mal fait est mieux qu'un truc pas fait. Ouais, parce que le truc mal fait, le truc ça parfait, vient jamais, il reste dans ta tête. Ouais, le truc vrai. Mal fait. Tu peux prendre ce qui est mal fait et le faire différemment, oui, et avancer. Et prendre ça comme une base et puis évoluer. Alors, tout à fait. Coucou Vince, j'adore votre émission à la radio. Les mecs, continuez comme ça, on vous adore. Merci Sam pour ce gentil message. Là, Nigel, lui, son problème, c'est qu'il a la flemme de compter jusqu'à 5. Robin qui a écrit ça. T'imagines ? Bon, allez, je vais m'y mettre. 1, 2, oh flemme. et je veux vraiment préciser un truc, parce que des fois, j'ai vu des gens qui disaient ouais, ça marche pas. Mm-hmm. Parce qu'ils disent 5, 4, 3, 2, 1 et ils restent comme ça. Genre, il y a un truc qui va arriver qui va les mettre debout. Non, 5, 4, 3, 2, 1, et tu le fais. Voilà. Quoi qu'il arrive, tu le fais. Et pour c'est le réveil, c'est génial. Pas le chiffre 1 qui va te pousser à faire ton truc. Exactement. C'est pas le 1 qui va sortir pour ta tête. Pour le réveil, c'est génial. 5, 4, 3, 2, 1, et tu te lèves. Et une fois que t'es debout, tu te casses la gueule. Tu t'avances, quoi. T'avances et puis voilà. Et plus tu vas utiliser la règle de 5 secondes dans plein de moments de ta vie, plus tu vas commencer à faire des choses. La règle des 5 secondes, gardez ça bien en tête, les amis, allez voir ça sur YouTube. Si la règle des 5 secondes sur Deuxième Reel. Important, surtout pour les étudiants, mm-hmm. c'est. En réalité, on est fait pour travailler en sprint. Ça veut dire que le truc pour être efficace, c'est, par exemple, je sais pas, tu dois préparer un cours, tu dois que tout soit prêt sur ta table, que tu n'aies plus rien à faire. Et tu travailles en sprint. Un sprint, c'est entre 25 minutes et 1h30 maximum. Mm-hmm. Et tu coupes tout et tu fais que ça. Que ça, que ça, que ça. Et par exemple, comme tu disais, si tu dois arranger tes papiers, tu prends tous tes papiers, tu les mets devant toi et tu fais le sprint. Et l'objectif, c'est faire que ça. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que mes papiers, en fait, mais n'importe qui. Je pense que moi, mes papiers, je les règle en 20 minutes. Quand je m'y mets, je les règle en 20 minutes. Mais oui, mais pourquoi tellement difficile? Je pense que c'est une peur, c'est la peur de voir les chiffres partir de ton porte-monnaie. Alors ça saoule. Il faut bien le faire. Il faut bien le faire, clairement. Il faut s'en rendre compte. Mais c'est ça, il y a tellement d'autres choses. Un jour dans ta semaine, je dois changer ma toilette. C'est bon, je dois faire 5-4-2-1, bricot, changer ma toilette. En fait, moi, je fais pas 5-4-2-1. Tu vois, je suis là. Bon, allez, je coupe mon eau, tu vois. Je coupe mon eau, ça coule. Ma toilette coule, je coupe l'eau. Ah oui, et puis, je rallume derrière et tout. Et en fait, non, je devrais faire mon petit 5-4-2-1. Allez, c'est parti, j'attaque cette toilette, je l'ouvre, je la répare ou je vais acheter une nouvelle, tu vois. C'est vrai facile. Non, oui, mais il y a la flemme, tu vois. Il y a le truc. Bon, allez, tu sais quoi, je ferai ça une prochaine fois, ça m'empêche pas de vivre. Le problème, c'est qu'on fait ça avec plein de trucs. Mm-hmm. Et ça veut dire que tous ces trucs-là, ça reste dans ta tête. Mmh. Et donc, ça consomme des RAM, si tu veux. La mémoire vive de ton cerveau. C'est vrai, ça. Et une préoccupation que tu as toujours en toi, en fait. Ce qui veut dire qu'à un moment, tu as tellement de trucs dans ta mémoire tampon qu'il n'y a plus de place pour avoir des nouvelles idées, pour faire de nouveaux trucs, pour faire des trucs. Et parce que. Il y a trop d'applications ouvertes. Exactement. Voilà, épurer les applications pour être plus efficace. Tout ça parce que dans un des trucs qui. Par exemple, moi qui fait beaucoup de vidéos, je sors beaucoup de vidéos par semaine. Ouais. Et au départ, je me rendais compte que j'avais peur d'en faire trop et je me suis dit, au bout d'un moment, je ne saurais plus de quoi parler. Et en réalité, plus j'en ai fait, plus j'ai vidé ma tête de tout ça, nous, en fait. Plus ça a laissé de la place pour d'autres. De nouvelles idées, c'est génial. C'est génial. Magnifique. En fait, on doit sans arrêt se donner de la motivation pour soi-même, en fait. Juste faire. Faut arrêter de rêver. Être dans l'action, en fait. Ouais. Être dans l'action. On est bien d'accord. Et tu t'habitues à le faire, et au bout d'un moment, ça va devenir automatique. En tout cas, Zenrila, merci à toi. Je rappelle encore sur YouTube, il faut tout checker, absolument toutes les vidéos. La règle des 5 secondes, principalement pour éviter la procrastination. Entraînez-vous. C'est intéressant de le faire, il faut le répéter. Et si vous voulez travailler sur une peur, la vidéo 144, c'est 10 minutes pour travailler. Et contrairement à ce que pense Nigel, moi je démonétise ma chaîne YouTube, donc je ne touche pas un bal dessus. Ah, bah voilà. Il n'y a qu'une vidéo dans son YouTube. Oui. Ouais, c'est ça. Il n'y a que la vidéo 144. Nigel, tiens, j'ai un message d'un auditeur pour toi. Ouais, Nigel, vite ma mère, toi t'es un peu trop con, hein. Franchement. Allez, bonne nuit les gars. Voilà. Elle a trois tétons, on adore. Allez les amis, il est temps de se dire à tout de suite, puisqu'on arrive dans quelques instants. On remercie Zenrila, comme d'habitude, avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bon voyage au Pérou, ça va être sympa. On se voit dans 2 mois et demi, ou alors si ça se trouve, un jour, je vous dis un petit bonjour pendant l'émission. Écoute, en note vocale WhatsApp, c'est très efficace, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, et surtout, n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo 144 sur YouTube. Marshmallow avec Abille. Ta gueule, Nigel. Ta gueule. On arrive dans quelques instants, les amis. Le mot de la fin qui débarque tout de suite sur Énergie. Et puis après, je me mets en mode extravadence jusqu'à 1h du mat. Et attention, parce qu'à 1h du mat, le dernier son que je vais jouer, l'avant-dernier, je crois, ça va être une surprise. Ah, Eddie fait du rap. Attention, c'est le standardiste. Every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. merci à vous d'équipe, même si vous n'avez pas résolu mon problème, c'est pas un souci, mais je m'amuse quand même. On donne des bons filons, etc. Bonne équipe et bon courage, surtout pour la suite. Et puis voilà. Non mais t'inquiète pas mon pote, on t'a pas abandonné hein. On va voir ce qu'on peut faire pour toi lundi. J'espère que tu seras patient d'ici là. Parce que lundi, on va parler de son souci. Il s'appelle Samy, c'est son premier message qu'il nous a envoyé. J'adore parce qu'il le dit, je le fais car c'est gratuit. Effectivement c'est gratuit sur WhatsApp. Il m'a dit, ça part de friendzone. Elle a une de ses voix là. Et puis sinon il a dit, Vin, j'ai une peur d'un échec. J'ai peur d'un échec, je suis resté 4 ans avec une fille. Ça c'est fini, j'ai dû attendre quasi 2 ans pour m'en remettre. C'est énorme 2 ans hein, une relation comme ça. Et là je suis en train de tomber amoureux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des papillons dans le ventre, mais je pense qu'elle m'a friendzone. Ah. Je ne suis pas sûr que faire. Cette fille dont je vous parle, je vois beaucoup en elle. Je vois beaucoup en elle. Elle me plaît, elle me fait rire, elle me donne tout pour me rendre heureux. J'aime sa personnalité avant d'aimer son physique qui est magnifique. J'ai peur de lui dire, de me prendre un râteau. J'ai l'impression que j'ai jamais fait ça, etc. Aidez-moi s'il vous plaît. Et le pire c'est que moi aussi j'ai des examens en école supérieure. J'arrive pas à étudier à cause d'elle. Ah mais t'es amoureux. Il est amoureux. Mesdames et messieurs, on est d'accord qu'il est amoureux. Ah bah oui. Zenrila, on t'a remercié, mais quand même, Zenrila, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut l'aider là, le pauvre là. Il nous écoute en plus là. Mais il est love. Qu'il y aille, quoi. Et il faut foncer. Qu'il y aille. Tant qu'il va pas y aller, il aura pas sa réponse. Une fois qu'il aura sa réponse, il va pouvoir s'adapter à la réponse. Ou il pourra, elle sera d'accord et il pourra voir si elle a une bonne coordination. Ou alors, il saura qu'il faut qu'il pense ses blessures et qu'il travaille dessus, quoi. Bah écoute, je pense que c'est clair pour toi mon pote hein, Samy, il faut que tu fonces mon gars. Dis-nous ce que t'en penses là en note vocale sur le WhatsApp si tu ça veux. Ça peut marcher la règle des 5 secondes. Mais complètement. 5, 4, 2, 1, juste pour avoir ta réponse, ça va marcher. Maintenant, on peut l'aider avec la friendzone hein, il peut lui avouer ses sentiments par téléphone mais il y a rien. Là, je vais te dire voilà, c'est cool le téléphone mais il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux que le faire en face à face. Évidemment. Ça c'est voilà, nous on va rigoler, on va dire rigoler. On va rigoler. C'est-à-dire que nous ça nous fait plaisir de pouvoir t'aider via la radio mais là j'ai l'impression vraiment que pour toi c'est quelque chose qui est méga important et tout ça et le choix te revient. Je veux pas te dire que faire de pas le faire via la radio mais en tout cas je peux te dire, il n'y a rien de mieux que sur le terrain. Alors, le faire moi, pour faire plaisir à Nigel, ce que je peux lui conseiller, c'est qu'il aille sur YouTube, il prenne la vidéo 144, il sent sa peur et il tapote jusqu'au moment où il n'a plus cette peur. Tu tapotes. Va voir la vidéo 144 de Zenrila sur YouTube, mon pote Samy. Là. On va voir un extrait de cette vidéo de merde. Attends, il nous a écouté. Ils ont envoyé un message vocal. 1, 2, 3, 4, 5, et je vais foncer, vous inquiétez pas. C'est que je l'attends, là, je suis dans la voiture, donc voilà. Ah bah, splendide. Bon, c'est 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, ça va pas marcher. Ouais, c'est 5, 4, 3, 2, 1, on est bien d'accord. Vince, petite question, comment t'as fait pour être à la radio et pourquoi? Parce que mon fils, il t'écoute il t'écoute toi tous les soirs et il m'avait demandé ça. Bon, simplement, j'ai voulu faire de la radio, donc j'ai couché. Non, il a couché déjà avec sa teub. Bon, c'est bon là, c'est fini. J'ai simplement eu envie de le faire et donc j'ai foncé, c'est tout. Tout simplement. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'études. Ouais, il y a un écho étrange là. Ouais. Et c'est bizarre. Il y avait un larcène. Et du coup, il a arrêté de rêver et il est passé à l'action. Ouais, oui, 5, 4, 3, 2, 1. Et mais comment ça, c'est qu'il y a un écho? Non, mais c'est à cause du casque d'Eddie ça, putain. Mais putain, arrêtez. Oh les gars, faites du n'importe quoi là. C'est chiant. C'est comme si moi aussi j'enlevais mon casque pendant que je parle. Après, non, ça ressemble à quoi? C'est pas ça. Voilà, c'est horrible. Vince, on prend des stagiaires. Oui, on prend des stagiaires. Il y a pas de problème. Donc, Samy, oublie pas 5, 4, 3, 2, 1. Si tu veux, on en parle lundi plus en profondeur. Il y a pas de problème, mon pote. Merci. Je lui dirai ça. Oui, voilà. Il faut foncer dans le tas. Il y a pas vraiment d'études pour devenir animateur radio. Il y a des formations, mais il y a rien de mieux que la formation même. Toquer dans une radio locale, une web radio, essayer de monter le truc soi-même et apprendre et s'inspirer. Écouter qu'est-ce qui se passe comme ça. On découvre un peu c'est quoi le métier de la radio. Et le truc, c'est que à partir de demain, tous les jours, t'enregistres 10 minutes. D'émission, comme si tu présentais une émission. Ah ouais. Et après un mois, tu vas voir que tu seras déjà beaucoup plus à l'aise. Faut pas attendre d'être à la radio pour t'entraîner. Ouais, top, mais faut surtout pas dire ça à Nigel. Bon, les gars, attention, on va te couper par la pub. Donc, un petit message de David. Depuis le Luxembourg, de la part de David. Et bonne soirée à vous et bon week-end. Merci, David. Allez, prolongation pendant quelques minutes. Le mot de la fin, c'est tout de suite sur Énergie. On arrive. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit, sur Énergie. dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500 euros cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500 euros cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78 et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know about love, you were wild, couldn't get enough. Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you go. Find me another place and time, if only you. I had my last chance, and now this is our last dance. You fell through the cracks in my hands. Hard to say it's over, but I'm already someone else's. All caught up in the way we were, I feel your hands getting close to mine. Don't say the words that I love to hear, the beat goes on and I close my eyes. Always young, didn't know about love, you were wild, couldn't get enough. Let's leave things the way they were, you stay with me like a lullaby. Hey. C'est sur Énergie, tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, en principe, hein, parce qu'il ne finit jamais à l'heure. Hey Vince, il est minuit, faut rendre l'antenne. Vince ! Vince ! Ah ben, je crois que je parle dans le vent, là. C'est bon, Vince, tu peux terminer quand tu veux. Oh my God. Ouais ouais ouais. Tous les soirs, de 21h à... Je sais pas quelle heure. Bon. Sur Énergie. Ouais, bon, j'ai quand même mon mix là qui va démarrer là avec Extravadance, donc j'ai envie de mettre du bon son ce soir. Allez, fais péter. D'ailleurs, un son qui fait zizir. D'ailleurs, attends, mais tu connais Rita Mitsuko là. Bien sûr. T'as entendu le son de Soprano. Catherine Ringer, ben ça ressemble un peu, ouais. Ouais. Et c'est la mort qui t'a assassiné. Ouais. Écoute, et tu vas écouter le début là. Je vais tenter un truc. En attendant le mot de la fin, les amis, vous êtes prêts? C'est parti pour le mot de la fin. Il y a Zendrila qui joue avec nous. Il y a Lara aussi. Il y a Nigel. Il y a Eddie. Et puis, nous l'avons plus dans le standard. Il est là. Ne t'inquiète pas. Non, mais il j'ai le standard. J'ai le temps de le rappeler tout de suite. Il est là. Il est vraiment là. Ouais. Ouais. Hey. Allô. Allô. Allô. Ouais. Allô. Ouais, Thibaut de la maison. Ou dans le café. Ah, oh, Thibaut, première émission qu'on n'a pas fait ensemble ce soir, le standardiste. Ouais, blindé, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'était bien. Ouais, c'est bien, j'ai juste vu des têtes et des épaules en fait. Ouais, t'es petit, faut aller sur les épaules, mon pote. Hein. Il était au concert de Damso, on rappelle. Ouais, alors c'était bien le concert de Dumps. Ouais, il y avait Orelsan, Kalash et tout qui était venu. Ouais, bah purée, c'est rare que ça se passe à Bruxelles, genre Kalash. De truc. C'est bien, il a représenté sa ville, c'est cool, j'avais plaisir. Merci à Damso, voilà. Bruxelles V. Voilà, oui. Bah écoute, content que t'aies kiffé, mon pote, et puis on te retrouve lundi ouais. Hein, avec nous, hein, ça non, va rien d'autre à te dire. Ouais, d'office, hein. Bon, allez, rentre chez toi, salut. T'as combien de bières là? T'as 2 bières. Seulement, c'est étonnant, tiens. Ok. Ouais, mais c'est le début de la soirée. Bon bah ouais, c'est vrai. Il faut conduire. Ah bah c'est bien, voilà. Guerre, ouais, bah boulot. Bah sinon il te reste Uber, hein, ou taxi surtout. Ça va? Ouais, on te fait un bisou, hein. Ouais, d'office, hein. Ouais. Allez, ciao. À lundi. Au revoir. À lundi, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Thibaut. Bye bye. Ciao, ciao. Ouais. Les amis, mot de la fin. Première personne qui trouve gagne. Vous envoyez vos propositions sur le WhatsApp 0492 222 002. Attention, on commence avec Zendrila. Propose-moi un mot, Zendrila. Ah, pardon, avec ton micro, c'est mieux de préférence. Un mot ou une question? Oh, un mot. Un mot? Prune. Que des mots. Prune. C'est légèrement chaud, mais on n'y est pas. Sérieux? Ouais, un objet. Un objet, c'est froid. Nigel? Réalité. C'est froid. Une personne. Une personne, c'est froid, les amis. Une action? Une action, c'est froid. Un fruit? C'est... Oui, c'est chaud. C'est chaud, le fruit, j'aime bien. Sur WhatsApp, vous proposez plume? Non, ce n'est pas une plume, c'est froid. En tout exotique. Cas. Fraise. Ah, fraise, ça peut l'être. Exotique, ça peut l'être aussi. Une couleur? Une couleur, oui, c'est chaud. Un mauvais cocktail, brûlant. Putain, ça va aller. Jus? Un smoothie. Jus, c'est chaud. Un seul mot. C'est chaud. Jus, smoothie, au mauvais cocktail, il est chaud. Cocktail, un mojito. Hein. Un mojito, non, c'est. Ça se refroidit, un mojito. Un mojito? Alors, les gars, allez, on m'a envoyé une framboise. Oui, ça correspond. Une boisson brûlant. Allez, ouais, on y a. Putain, là, c'est bon. Là. C'est facile. Ça va super allez, vite. Allez, Nigel, à toi. Gazeux. Non, c'est froid. Ah. Alcoolisé. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Grenadine. Oh, brûlant. Brûlant. Mais de ouf, mais c'est le plus chaud. Il a dit quoi? Eh, sur le WhatsApp, vous allez le trouver. Grenadine. C'est le plus chaud. Lara, ta proposition est? Un tango? Oui. Tu dois la voir. Grenadine est le mot le plus chaud jusqu'à maintenant. Un kir. Non! Nigel, attention, c'est l'occasion pour toi. Sirop. C'est une bonne réponse! Oh, le mot était sirop. Mais c'est quand même Lara qui remporte le mot de la fin de la semaine. Non, on est à 2-2. Ah, fait. C'est 2-2, là, vous venez de faire égalité. Ouais, du coup, on doit faire un tic-tac-boom. Ouais, mais non, ça sera lundi, les amis, parce que moi, je vais lancer Extravadance. Allez, vite! J'ai mon patron qui m'envoie un texto en disant, c'est quand ton Extravadance?